Voilà, c'est une pièce qui s'appelle Léocadia, qui a été créée il y a très longtemps, en 40. Elle a été écrite en 39. Les personnages sont Amanda, modiste, le prince, la duchesse, sa tante, le baron Hector, le maître d'hôtel, le chauffeur de taxi, le marchand de glace, le patron de l'auberge, la dame du vestiaire, les tziganes, le maître d'hôtel de la duchesse, le garde-chasse et des valets. Premier tableau, un boudoir d'un luxe écrasant. Une jeune femme, Amanda, est assise, une petite valise de carton à ses pieds. Elle a l'air d'être là depuis longtemps. Elle bâille, caresse un nègre de Venise tout près d'elle sur son socle. Soudain, elle le lâche vivement. Une petite dame est entrée, précédée d'un face-à-main, c'est la duchesse. Elle va d'abord au nègre et le replace comme il doit être. Puis elle marche sur la jeune femme qui s'est levée. La duchesse, c'est vous ? Oui, madame, je crois. Tenez-vous droite. Amanda, abasourdie, se redresse. La duchesse sévère. Comment se fait-il que vous ne soyez pas plus grande ? Je ne sais pas, madame, je fais ce que je peux. Il faudra faire un sérieux effort. Amanda la regarde. Mon enfant, j'ai 60 ans et je n'ai jamais porté que le Louis XV. Elle monte son talon, mais pas votre Louis XV de coureur cycliste. Résultat, quelle taille me donnez-vous, pieds nus ? 1m40, peut-être, madame ? La duchesse vexée. C'est bon, j'ai 38. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, car vous ne me verrez jamais pieds nus. Personne ne m'a jamais vu pieds nus, mademoiselle, sauf le duc, bien entendu, mais il était myope comme une citrouille. Elle va à elle, sévère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Amanda, un peu décontenancée. Des gants ? Jetez-les aux bêtes. Aux bêtes ? Ou c'est une expression ? Elle n'en voudrait pas. Mon horreur du verre a, si j'ose dire, déteint sur mes caniches. On ferait chérapater de ces malheureuses petites créatures plutôt que de les faire coucher sur un coussin vert. Je dois ajouter qu'ils n'en ont jamais vu. Il n'y a rien de vert dans ce château, mademoiselle, que vos gants. Elle les jette au feu. Amanda ne peut s'empêcher de gémir. Mais madame, je les ai payés très cher, ces gants. Vous avez eu tort. Elle lui a pris la main. Bon, la main est fine. C'est tout à fait ce que je pensais. Ça a coup des chapeaux, mais ça a de la branche. C'est-à-dire qu'il n'a pas cousu de chapeau de nos jours. Moi, peut-être. Mais je suis d'un autre monde. Au fait, vous attendiez sur ce télégramme ce qu'on allait vous proposer ici. Une place, je crois, madame. Une place. J'adore cette expression. Cette petite est ravissante. Elle vient lui répéter sous le nez. Ravissante. Elle lance sans cesser de la regarder. N'est-ce pas, Gaston ? Comme elles sont seules dans la pièce, Amanda regarde autour d'elle, un peu surprise. La duchesse lui explique. C'est le duc. Il est mort en 1913, mais je suis tellement étourdie que je n'ai jamais pu me défaire de l'habitude de lui parler. Elle la regarde encore, elle vient s'asseoir près d'elle. Ravissante. Elle lui parle soudain chaleureusement comme à un petit chien. Et vous êtes contente d'avoir trouvé une place, comme vous dites ? Oh oui, madame, il y a 2 jours précisément, j'aime mieux vous l'avouer puisque la maison m'a donné un excellent certificat, j'ai perdu mon emploi chez Reseda Sœur. La duchesse s'est levée et va à la porte. Je sais, ma petite fille, c'est moi qui vous ai fait renvoyer. Amanda s'est levée aussi, démontée par cet aveu. Comment c'est-vous ? Eh bien, vous en avez un toupet, vous, alors ? La duchesse sourit à ce mot et sort en criant « Un toupet ! Un toupet ! Gaston, quand je vous dis qu'elle est adorable !» La jeune femme est retombée assise sous ce coup. Sa petite valise toujours à ses pieds. Elle regarde autour d'elle, de plus en plus abandonnée. On sent qu'elle commence à avoir envie de pleurer. Un maître d'hôtel entre et s'incline cérémonieusement devant elle. Le maître d'hôtel. « Madame la duchesse, je me demande de m'informer auprès de mademoiselle s'il serait agréable à mademoiselle qu'on lui servît une légère collation en attendant le retour de madame la duchesse. Je vous remercie, je n'ai pas faim. Que mademoiselle m'excuse, mais je ne m'informais que pour la forme. Madame la duchesse m'a donné l'ordre de servir cette collation à mademoiselle, même si mademoiselle me répondait cela. Une extraordinaire collation est servie par des valets sur une petite ritournelle avec un déploiement insolent d'argenterie. Et Amanda reste seule devant trop de gâteaux et trop de compotiers pour avoir envie de prendre quelque chose. Finalement, elle prend timidement une mandarine et commence à l'éplucher. La duchesse entre en coup de vent, suivie d'Hector, un grand hobereau maigre et faisandé. Elle va à Amanda, lui arrache sa mandarine et la jette au feu. Jamais de mandarine, jamais d'orange, jamais de citron. Tout ça fait maigrir et vous ne voulez pas vous permettre de perdre 1 gramme, ma petite fille. N'est-ce pas que ça serait frappant, Hector, avec un soupçon de rondeur en plus ? Hector, qui a mis son monocle pour regarder Amanda, n'a même pas le temps de répondre. La duchesse marche sur elle, des œufs, des farineux, des œufs. Elle appelle. Et au fil. Maître d'hôtel entre aussitôt. Madame la duchesse, emportez-moi tout ça et servez-lui un œuf. Amanda s'est levée résolue. Non, madame. La duchesse. Comment non ? Pourquoi non ? D'abord, je n'ai pas faim, et puis je n'aime pas les œufs. À Hector, elle est adorable. Ils sortent, Hector adorable. Ils sont sortis, Amanda cette fois n'en peut plus. Elle brandit sa petite valise, on sent qu'elle est prête à casser quelque chose ou à éclater en sanglots. Elle crie aux valets qui desservent sous la surveillance du maître d'hôtel. Mais enfin, est-ce que quelqu'un, oui ou non, va pouvoir me dire pourquoi on m'a fait venir ici? Le maître d'hôtel, avant de sortir derrière les valets, que mademoiselle m'excuse, mais personne n'est au courant parmi le personnel. Il faudra que mademoiselle s'adresse soit directement à madame la duchesse, soit à son défaut à monsieur le baron Hector. Amanda, restée seule, jette sa valise par terre et tape rageusement du pied, criant « crotte, crotte, crotte, crotte et crotte ». La duchesse qui est entrée par une autre porte simplement. Quel vilain mot. Dites merde, mon enfant, c'est français. Crotte, ça n'atténue rien et c'est sale. Elle s'assied très femme de honte. Je m'excuse, mademoiselle, de vous retenir ici dans ce salon. Vous devez avoir hâte, je le conçois, de connaître votre chambre et de vous reposer un peu des fatigues du voyage. Mais quelqu'un qui ne doit pas vous voir peut rentrer incessamment de promenade et il serait dangereux pour mes plans que vous bougiez d'ici. Amanda s'est assise, calmée, et croit devoir résumer la situation. J'ai reçu ce matin un télégramme signé de vous, madame, me disant que vous pourriez m'employer, mais je finis par me demander si je ne me suis pas méprise, la duchesse. Quoi que vous ayez pu supposer, vous êtes certainement méprise, mon enfant. N'est-ce pas? Je suis modiste et je ne sais faire que des chapeaux. Et vous ne pensez pas que j'ai un genre à faire retaper mes bibis à domicile? Un bon point. D'autre part, je préfère vous le dire tout de suite, madame, que s'il s'agit d'une place de femme de chambre ou même de demoiselle de compagnie, j'ai un métier, madame, et mon renvoi de chez Résida Sœur a beau être très ennuyeux pour moi, je tiens à l'exercer, ce métier. Vous avez raison, Gaston, c'est une enfant ravissante. Elle se lève et jette à Amanda, en passant devant elle, un autre bon point. Amanda s'est levée aussi. Non, madame, cette fois, je ne vous laisserai pas sortir. Pas sortir, voilà du nouveau. Gaston, nous sommes prisonniers chez nous maintenant, comme sous François Ier. Amanda un instant démonté, comme sous François Ier. Oui, sous François Ier. Une fois, on nous a consignés dans nos terres. Il paraît que nous y sommes morts d'ennui. Amanda, comprenez-moi, madame, il ne s'agit pas de vous retenir prisonnière. Mais je suis arrivée ici au train de 14h16. Il est bientôt 5h, et le seul train qui puisse me ramener ce soir à Paris est à 17h39. Si, comme je le pense, je n'ai rien à faire chez vous, je veux pouvoir le prendre. Non, mon enfant, vous ne prendrez pas ce train. Et pourquoi, s'il vous plaît, madame? Il est supprimé. Mais il est sur tous les horaires. Il est sur tous les horaires, mais je puis vous affirmer qu'il est supprimé depuis hier. Amanda qui croit tout possible maintenant. C'est vous qui l'avez fait supprimer pour m'empêcher de quitter ce château, n'est-ce pas? Sous Louis XV, ma petite fille, je l'aurais certainement fait. Malheureusement, depuis 89, ma famille a perdu toute ascendance sur l'administration. N'insistez pas, moi. Et vous savez qui c'est? Ce sont les francs-maçons qui ont fait le coup. Elle l'a fait asseoir et commence. Figurez-vous, ma chère enfant, qu'ils se sont aperçus que ce train permettait aux bonnes gens des environs de venir visiter ma basilique. Et le fait est que nous commencions tout doucement à faire recette. Il faut dire que j'avais institué tout un système de primes, médailles, chapelets, petits cierges bénis. Je suis de mon temps. Je sais que sans publicité, de nos jours, on n'a rien. Tout d'un coup, crac, sans que j'aie eu le temps de lever le petit bois, il me supprime mon train. Ouh, mais je ne me tiens pas pour battu. Vous savez ce que je vais faire pour parer la botte, moi, une dandine d'Andenne? Je vais m'entendre avec Citroën. Sur ce coup d'éclat, elle va sortir à Amanda, qui n'en peut plus pleurnicher. Mais je ne comprends rien, moi, madame, à votre histoire de basilique, de train et de franc-maçon. Je suis là depuis plus de 2 heures à attendre. J'ai même pas eu le temps de déjeuner ce matin avant de partir de chez moi. Pas déjeuner, pas déjeuner, mais je vous ai commandé un œuf pour vous faire engraisser. Des œufs, des farineux, des œufs. Et n'allez pas croire que c'est un conseil de bonne femme. Un grand spécialiste viennois m'a fait payer 5000 francs pour me dire ça. Et qu'est-ce qu'il fait d'abord, cet œuf? Je vais le chercher. Elle va sortir encore, Amanda lance dans une plainte. Ah non, madame, non, ne sortez pas encore une fois sans me dire. Je deviens folle. La duchesse s'est arrêtée sur le seuil solennel. Mon enfant, vous avez l'air d'avoir oublié d'être sotte. Je vais vous faire un aveu. Je n'ai pas 60 ans, j'en ai 67. J'ai connu le général Boulanger, les débuts de l'aviation, la fin du corset, les cheveux courts, la guerre mondiale. Si je vous dis que je suis une vieille bonne femme qui a eu l'occasion d'en voir de toutes les couleurs, vous me ferez la grâce de me croire, n'est-ce pas? Oui, madame. Eh bien, si j'entre et si je sors de ce salon depuis 2 heures comme une girouette, c'est parce que je n'ose pas vous dire pourquoi je vous ai fait venir ici. Et elle sort. Amanda l'a regardée s'en aller encore abasourdie, puis elle saute sur sa valise, moitié apeurée, moitié en colère. Ah non, cette fois, ils m'ont vu, c'est toqué. J'aime mieux rentrer à Paris à pied. Elle ouvre une porte-fenêtre, regarde si on ne la voit pas, et s'en va en courant par le jardin. Trémolo à l'orchestre, la scène reste vide une seconde, entre la duchesse et Hector. La duchesse, Hector, Hector ou est-elle? Où est-elle, Hector? Je me sens saisi d'un affreux pressentiment. Hector qui regarde stupidement sous les meubles. Ben, pour une fois, il me paraît justifié. Elle est partie. La duchesse lui prend le bras. Hector, si elle le rencontre dans le parc, nous sommes perdus. Ils sortent précipitamment. Le noir, une courte musique qui s'achève sur un gazouillis d'oiseaux. Quand la lumière revient, nous sommes dans un paysage très agreste. Un carrefour dans le parc du château. Un banc circulaire autour d'un petit obélisque. Dans un coin, arrêté près d'un gros arbre, un taxi démodé. Deux jambes débordent du capot. Quand on regarde bien, on s'aperçoit que c'est un drôle de taxi, délavé, vieillot. Il est entouré de lierre et de chèvrefeuilles. Il y a un coq qui s'égosille sur le toit. Non loin de là, une boutique de marchands de glace ambulant, rose bonbon et verte. Des jambes en débordent également. Amanda entre en courant avec sa valise. Elle s'arrête en voyant le taxi, pousse un cri de joie. « Mon Dieu, quel bonheur! Un taxi !» Elle cherche et ne voit d'abord personne, puis découvre les gens. « Monsieur !» Une voix qui vient d'autre part. « Quoi, monsieur ?»« C'est à vous, ces jambes ?» Un aimable vieillard se dresse de derrière la boutique de marchand de glace. Il demande posément, en rajustant son lorgnon, « Lesquels ?» Amanda, muette de confusion, lui désigne les jambes qui débordent du capot. Le marchand de glace simplement, avant de retourner à son journal. « Non, pas celle-là. » Amanda lui crie avant qu'il se passe. « Monsieur, s'il vous plaît !» L'homme se détourne. « Est-ce que je suis encore dans le parc du château de Pont-Aubron ? Il y a si longtemps que je marche. » Le marchand de glace lugubre. « Oui, mademoiselle, si longtemps qu'on marche ici, on est toujours dans le parc du château de Pont-Aubron. » Les oiseaux ou la ritournelle de l'orchestre se moquent de la frayeur d'Amanda. Elle a soudain empoigné sa valise, elle court au taxi. « Monsieur, taxi, vous êtes libre ?» Le chauffeur, à ces mots, sort furieux de sa voiture. « Bien sûr que je suis libre. Manquez plus que ça que je ne sois pas libre en France, à notre époque. » Amanda remercie. « Ah, merci, mon Dieu. Sauvée. » Elle s'engouffre par la portière du taxi en criant « Conduisez-moi immédiatement à la gare de Pont-Aubron. » Le chauffeur la regardait entrer dans son taxi, mi-étonné, mi-goguenard. Elle en ressort immédiatement par l'autre portière avec un cri. « Chauffeur !»« Oui ?»« Il y a des lapins dans votre taxi. » Chauffeur, « Mais bien sûr qu'il y a des lapins dans mon taxi. » Il commence à se mettre en colère tout seul. « J'ai pas le droit d'élever des lapins, moi, peut-être ?»« Dites, j'ai pas le droit d'élever des lapins ?»« Mais si, monsieur, vous avez tout à fait le droit d'élever des lapins. Je suis un être humain comme les autres, après tout. C'est pas une raison parce qu'il me donne 3000 francs par mois pour rien foutre. D'abord, je l'avais toujours juré, moi, que je serais jamais chauffeur de maître. Mécanicien, qu'ils disent. Larbin, plutôt, oui. Merci, vous entendez? Merci, merci. » Amanda qui recule, mais de rien, monsieur, de rien. En reculant, elle s'accroche à quelque chose. Ah, elle pousse un cri, car tout lui fait peur maintenant. Elle regarde ce que c'est, se rassure, un petit sourire. Mon pardon, je suis un peu nerveuse aujourd'hui. C'est du lierre. Bien sûr, c'est du lierre. Il retourne à son moteur. Ça pousse tout seul, cette saleté-là. J'ai bien essayé les rosiers grimpants, mais les petits soins, les mamours au sécateur, les arrosages, pas question. J'ai mis du lierre, ça fait gai. Puis ça vient tout seul. Amanda, du lierre? Mais quand vous roulez, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Le lierre. Il vous suit? Le chauffeur, que cette idée met en joie. Ah, drôle, vous, alors. En quoi vous croyez qu'il est, mon lierre? Un caillou-tchou, dites, en élastique. Il appelait Joseph. Le marchand de glace réapparaît. Quoi? Elle est marrante, la petite. Elle me demande s'il me suit, mon lierre. Tu me vois le soir quand je vais lui faire son pipi sur les boulevards. Et petit, petit, veux-tu me suivre? Voyons, vilain méchant, tu vas te perdre. Amanda qui a continué son inspection. Mais il ne marche pas, votre taxi. Il est plein de racines partout. Comment? Comment il ne marche pas, mon taxi? Bref, elle dit qu'il marche pas, mon taxi. Il va au moteur furieux, donne un coup de manivelle. Le moteur tourne rond, il triomphe. Eh, s'il marche pas, mon taxi. Amanda, ah non, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne le faites pas marcher avec le lierre. Je deviens folle. J'ai déjà vu assez de choses extraordinaires aujourd'hui. Elle va au marchand de glace. Monsieur, vous êtes bien un marchand de glace? Oui, mademoiselle. Alors, vous n'avez probablement pas de glace à me vendre. Je meurs de soif. Ah, une glace, ma pauvre enfant. Ça fait 2 ans, vous entendez, 2 ans que j'en fais plus de glace. Je voudrais en faire maintenant que je ne saurais peut-être même pas. C'est bien ce que je pensais, ça me rassure un peu. Vous voyez, les choses commencent à prendre un petit air de logique au milieu de leur extravagance. Ce qui m'aurait plutôt paru louche, c'est si vous aviez été un vrai marchand de glace qui vend des vraies glaces. Des glaces qui font froid. Un service encore, elle lui tend quelque chose. Une épingle ? Vous voulez que j'en fasse de votre épingle ? Piquez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Pas trop fort, tout de même, monsieur, juste pour voir. Vous avouez qu'elle est marrante. Elle est marrante. Elle est plutôt sonnée, oui. Allez, merci, monsieur. Merci beaucoup, je suis très content. Rendez-moi mon épingle. On a toujours besoin dans la vie, parce que moi, je suis vivante, vous entendez ? Quand on me pique, moi, je le sens. Et j'ai deux jambes, et je peux marcher, moi. Et je ne vais même pas vous demander où est la gare de Pont-Aubron. Je vais marcher droit devant moi jusqu'à ce que je trouve une route. Et sur cette route, il y aura une borne. Parce que dans la vie, dans notre vie à nous, il y a des bornes kilométriques sur les routes. Et je lirai avec mes yeux qui savent lire, et j'irai avec mes jambes qui savent marcher jusqu'à la gare de Pont-Aubron. Et là, je trouverai un chef de gare. Un chef de gare qui sera un vrai chef de gare. Enfin, je l'espère. Elle va sortir, elle se heurte à la duchesse qui arrive en trombe avec Hector. Dieu soit loué, nous la retrouvons. Elle tombe sur le banc circulaire. Ah, mon enfant, vous m'avez fait mourir de peur. Je suis brisée. Amanda, qui s'est assise aussi. Oh, n'essayez pas de me faire pitié. Moi aussi, je suis brisée, madame. Moi aussi, je suis morte de peur. Et peur de quoi, mon Dieu ? Mais de tout, madame. De vous, d'abord. De moi ? Quelle drôle d'idée, Hector ! Mais de ce chauffeur de taxi, dont le taxi est enraciné, de ce marchand de glace qui ne vend pas de glace, de ce parc dont on ne peut jamais sortir. Enfin, où suis-je, madame ? Et que me voulez-vous ? Je suis l'ouvrière de la rue de la Paix. J'ai jamais eu d'aventure. J'ai pas d'argent. Pas les plus petites économies. Pas d'amis sérieux pour payer ma rançon. Alors pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi m'avez-vous fait renvoyer de chez Reseda Sœur ? Pourquoi m'avez-vous attiré ici en me promettant une place ? Une place de quoi, d'abord, au milieu de ces énergumènes ? Une place de modiste qui ne fait pas de chapeau, probablement. Et puis d'abord, vous ne me faites pas peur, ni les uns ni les autres. Où est la gare de Pont-Aubron ? Je vous somme de me dire tout de suite où est la gare de Pont-Aubron. Duchesse, elle est adorable, Hector. Hector, adorable. Amanda, qui retombait assise à bout de force, balbutie au milieu de ses premières larmes. Où est la gare de Pont-Aubron ? La duchesse pousse un cri et lui prend les mains. Ah non, surtout ne pleurez pas. Je suis incapable de voir pleurer quelqu'un sans sangloter moi-même et me rouler par terre. Pour peu que vous soyez également sensible et que mon chagrin vous tire de nouvelles larmes, voyez-moi si ça serait gai, nous ne nous arrêterions plus. Je comprends votre désarroi, mon enfant, et votre curiosité, je vais mettre fin à l'un et à l'autre. L'heure des explications a sonné, si pénible qu'elle puisse être. Je vais tout vous rendre clair en un mot. Voilà, mademoiselle, j'ai un neveu. Un neveu que j'adore plus que tout le monde et qui s'appelle Albert. Ce malheureux enfant est en proie à la plus étrange mélancolie. Continuez, Hector. C'est une suite d'aventures si poignantes que je n'ai vraiment pas le courage de la raconter une fois de plus. Hector se lève cérémonieusement. Elle le présente dans tout autre ton. Mon cousin, le baron d'Andiné d'Andenne. Hector salue. Amanda fait une petite révérence. Il va parler à la duchesse le coupable. Le baron Hector, qu'il ne faut pas confondre avec le baron Jérôme, l'attaché au consulat d'Honolulu, ni avec le baron Jasmin, le fils de la générale. Le baron Hector. Hector salue encore et va parler à la duchesse. Non, d'ailleurs, pour le baron Jasmin, la confusion n'est plus possible. Il est décédé. Parlez, mon cher Hector. Hector, voilà mademoiselle, mon cousin, le prince Troubiscoï. Oui, ma soeur cadette, la pauvre enfant, était devenue Troubiscoï par son second mariage. C'était au moment du voyage du tsar, le charme slave. Nous avons bien changé tout ça. D'ailleurs, elle en est morte. Continuez, Hector. Mon cousin, le prince Troubiscoï, dites le prince Albert, voyons. Elle ne pourrait croire qu'il s'agit de l'autre. Vous savez qui je veux dire, l'imbécile. Celui qui a épousé une Anglaise, Patrick Troubiscoï. Vous avez peut-être eu l'occasion de le rencontrer. Non, madame. Ça m'étonne, on le voit partout. Continuez, Hector. Il y a quelques années, donc, mon cousin, le prince Albert Troubiscoï, a fait la connaissance à Dinard, tout près d'ici, d'une jeune femme. Taisez-vous, mon cher. Vous racontez ce merveilleux roman avec une telle platitude que j'aime mieux souffrir encore et mettre moi-même cette jeune personne au courant. Mon petit Albert a follement aimé, il y a 2 ans, mademoiselle, une femme d'une grande beauté et d'une race incomparable. Une femme dont vous avez certainement entendu parler à l'époque, j'ai nommé Leocadia Gardi. La grande cantatrice ? Oui, mon enfant. La grande, l'immense cantatrice, celle qu'on appelait la Divina. Quelle voix, quelle voix ! Quand elle attaquait la reprise du prélude d'Astarté, elle commence à chanter « Salut, Seigneur, sur cette terre !» Malheureusement, moi, je n'ai pas de voix. J'en avais, quand j'étais jeune, un filet. un filet qu'on disait délicieusement. Un jour, j'ai bu trop d'eau froide et il s'est tari, ce filet tari. C'est curieux, n'est-ce pas, pourtant de l'eau. Enfin, j'ai jamais cherché à comprendre. Les médecins sont de tels originaux. Toujours dit que je n'ai plus de voix. Qu'est-ce que je disais ? Léocadia, Léocadia, c'est juste. Donc, vous me disiez que vous la connaissiez très bien, cette chère Léocadia. C'est une bonne chose qui peut nous aider beaucoup. Ben, c'est-à-dire, je ne la connaissais pas très bien. J'avais lu au moment de sa mort dans les journaux, hélas. Vous savez comment elle est morte ? Un accident, je crois. Oui, la pauvre grande chère portait toujours d'immenses écharpes. Très personnelles, d'ailleurs, très up-to-date. Ces écharpes, elle avait, en vous quittant, une façon inoubliable de les nouer. C'était en tout une passionnée. Un soir, après une discussion d'art, elle quitte des amis sur le seuil de leur villa, elle veut nouer son écharpe en leur criant adieu, mais son geste la dépasse, elle s'étrangle. Elle pousse un cri, un seul étranglé d'ailleurs, et elle tombe, morte. Achevé, Hector, je n'en puis plus. Hector, qui trouve que c'est fini, se contente de répéter, morte. C'est 3 jours avant que mon petit Albert s'était mis à l'aimer. Mais ces 3 jours devaient le marquer pour toujours. Vous commencez à comprendre maintenant ? Non, c'est bien, je continue. Quand il apprit la terrible nouvelle, Albert voulut d'abord se jeter du balcon. Je me cramponnai au basque de son veston et le retins. Mais ce n'était que paré au plus pressé, il fallait songer à l'avenir. Je décidai de faire un voyage. Nous firons une croisière inoubliable, la plus chère, un tour du monde et demi. Mais en vain, nous passâmes les 122 jours de ce périple, lui assis dans sa cabine à contempler la photographie de la chère disparue, moi assise dans la mienne à le surveiller par la porte entrouverte afin qu'il ne se jetât pas par le hublot. Ah, mon enfant, vous dirai-je en détail ce que fut pour moi ce long martyr, un mandat qui commence à en avoir assez. Non, non, vous avez raison, ça serait trop long et trop pénible. Sachez seulement que moi, qui suis la curiosité même, j'ai fait un tour du monde et mis le nez devant une porte. Parfois aux escales, ma passion de tout savoir, de tout connaître, l'emportait. Je jetais un coup d'œil au hublot, j'entreapercevais un turban, je me disais, bon, c'est l'Inde. Une natte sur une nuque, c'est la Chine. Une fumée sur un volcan, c'est l'Italie, nous approchons. Ce n'est qu'en touchant le sol français et l'ayant confié à des amis très chers que je consentis enfin à penser un peu à moi-même. Le chagrin et l'inquiétude m'avaient fait perdre 17 kilos. Mais Dieu merci, c'était sans gravité, car l'immobilité forcée de ces 122 jours me les avait fait reprendre. Nous voici donc à Marseille. Vous me suivez. Je vais peut-être un peu vite pour vous, non, madame? Un bon point. Nous rentrons au plus vite à Pont-Aubron pour y achever les vacances. Là, je commence à sentir que la douleur d'Albert est moins vive. Mais pourtant, sa mélancolie m'inquiète. Je le fais suivre par mes espions qui se relaient et me rapportent heure par heure tout ce qu'il fait. J'apprends qu'il passe ses journées autour de Dinard, bavardant tantôt avec un chauffeur de taxi, tantôt avec un vieux marchand de glace, tantôt avec le garçon d'une misérable petite auberge de Sainte-Anne-du-Pouldu. Quant à ses nuits, il les passe uniformément dans une boîte de tziganes, toujours la même, à une même table, servie par le même maître d'hôtel. Septembre vient, Dinard se vide, toutes les boîtes se ferment, celle-ci reste ouverte. Et Albert continue solitaire à y passer ses nuits. Je n'ai pas pour habitude de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais pourtant je me pique. Il me faut la clé du mystère. J'apprends bientôt qu'il commandite l'établissement qui devait être en faillite depuis longtemps pour le seul plaisir de venir s'asseoir toutes les nuits à cette même table. D'abord, je ne comprends pas, et puis tout d'un coup, je comprends. Amanda, que cette histoire d'amour a commencé à émouvoir. C'était là qu'il s'était dit pour la première fois qu'il s'aimait. La duchesse la regarde et s'écrie « Ah, Hector, Hector, admirable petite âme populaire française, ce qui nous a fallu si longtemps pour admettre avec nos intelligences, le cœur de cette petite s'en trouve et tout de suite elle le comprend, car vous avez compris, mon enfant. Le chauffeur de taxi, le marchand de glace, l'auberge du Pouldu, la boîte à tziganes, j'en passe. C'étaient les témoins de son amour avec la divine que mon pauvre petit Albert allait retrouver chaque jour depuis 3 mois. » C'est beau tout de même d'aimer comme ça, n'est-ce pas? C'est admirable. Mais mettez-vous à ma place, n'est-ce pas? Albert est un Troubiscoy et avant tout pour moi un dandy des Dardennes, n'est-ce pas? N'allez pas croire que je sois un fautif réactionnaire, non! En 1919, écœuré, parce que j'avais vu pendant la guerre, je suis une des premières infirmières majors qui a voulu s'inscrire à la CGT. Mais tout de même, avouez que c'est vraiment pas la peine de se donner un mal de chien pour dominer la moitié du pays depuis le règne de Louis le Gros, si on doit laisser 700 ans plus tard son neveu bagnoder dans les rues avec des chauffeurs de taxi et des marchands de glace, autant vendre de la dentelle au maître et s'appeler tout de suite Dupont. Qu'est-ce que je disais? Vous vous êtes aperçu, ah, je me suis aperçu que ces gens, dont je ne comprenais pas au premier abord l'attirance, étaient tout simplement les souvenirs de mon petit Albert. Mais dès que je l'ai compris, je suis collectionneuse dans l'âme, j'entrepris d'en faire un assortiment. En 15 jours d'enquête et de tractation, tous ceux qui avaient approché le couple pendant ces 3 jours de bonheur se trouvait engagé à l'année dans le personnel de Pont-Aubron. C'est pas tout. Comme je sentais que le décor, lui aussi, devait jouer un grand rôle dans les rêves de mon petit Albert, j'ai acheté le taxi, la boutique de glace, les bancs d'espoir où il s'était assis. Les bancs, ça a été le plus dur. J'ai dû faire un procès à la ville, mais je l'ai gagné. L'auberge du Pouldu et la boîte de nuit, tout a été reconstruit pierre par pierre dans mon parc. Quel conte de fées, mais non, c'est de la moindre des choses. Grâce au ciel, ces pauvres enfants n'avaient visité ensemble aucun monument historique, aucun ouvrage fortifié. Car ça, malgré mes attaches avec le haut état-major, ça aurait été beaucoup plus délicat à démolir. Comme vous devez l'aimer, madame, votre neveu. Je l'adore, ma chère enfant. Et quand vous le connaîtrez, vous l'adorerez comme moi. Et puis que voulez-vous, moi, je suis une casanière. J'aime mes aises par-dessus tout. Alors, de même qu'il se fait raser chaque matin par son coiffeur à domicile, je veux que mon petit Albert puisse se souvenir commodément chez lui. Mais tout de même, ça ne m'explique pas ce que je fais, moi, ici, madame. Je suis prête à vous jurer sur la tombe de maman qui est morte, que je n'ai jamais connue, jamais vue, jamais été vue de monsieur votre neveu, surtout pendant ces 3 jours fatidiques, et que je ne peux à aucun titre faire partie de ses souvenirs. D'ailleurs, je n'ai de ma vie, madame, mis les pieds à Dinard. À l'époque de la mort de Léocadia Gardi, j'étais chez Résé Dasseur du matin au soir. La seconde de l'atelier, mademoiselle Estelle, pourra vous le certifier, madame. C'était ma première année dans la maison et je n'ai pas eu le plus petit congé cet été-là, on vous le prouvera, qui m'ait permis de venir jouer les souvenirs sur la côte d'Émeraude. La duchesse Hector, elle m'amuse beaucoup. Hector, il faut avouer qu'elle a du piquant. Oh, c'est pas de piquant, mon cher. C'est d'esprit et du meilleur. De l'esprit, soit, mais un esprit piquant. La duchesse, c'est pas un esprit piquant. Bon. Ne l'écoutez pas, mon cher enfant. Depuis qu'on lui fait du cacodinate à la fesse, le pauvre ami, il voit du piquant partout. Vous avez de l'esprit, un point, c'est tout. Et c'est déjà très bien ainsi, de nos jours, on n'en a pas qui veut. Eh ben, j'ai de l'esprit, c'est entendu. Je consens même à ce qu'il soit piquant. Ça peut faire plaisir à monsieur. Mais vous n'allez pourtant pas me faire croire que c'est pour mon esprit, dont la renommée a franchi tout d'un coup les frontières de la rue de la paix et de la place Vendôme, que vous m'avez fait venir ici. Non, mon enfant. Elle se trouble soudain. Mais quelle heure est-il? Nous bavardons. Amanda l'a fait asseoir de force. Asseyez-vous, madame. Et répondez-moi une bonne fois. L'heure qu'il est n'a rien à voir à tout cela. C'est quelqu'un à qui vous avez fait rater successivement tous ces trains qui vous le dit. Ma petite fille, on ne m'a jamais parlé sur ce ton. Eh bien, moi, on ne m'a jamais attiré dans des guet-apens en Bretagne. On ne m'a jamais fait faire je ne sais combien de kilomètres en me promettant une place pour ne pas vouloir me dire ensuite en quoi elle consistait. La duchesse Hector, nous faisons agonir, mon cher, mais avouons que nous l'avons bien mérité. Il faut parler. Hector, parlons. Parlons. Hector, oui. Vous êtes un homme? Non. Comment? C'est vous qui me l'avez dit, 1000 fois. Je plaisantais, vous êtes un homme, Hector. Parlez à cet enfant qui en est réduite à supposer le pire. Le pire, oui, madame, le pire. Ah, si ce n'était que le pire, ma petite, ça ne serait rien. C'est pire que le pire. En français, ça a l'air idiot ce que je dis, mais il doit sûrement y avoir un mot anglais qui exprime ça très bien. Parlez, Hector, nous vous écoutons. Hector, après avoir pris une bouffée d'air... Voilà. Non, je ne peux pas. C'est vous qui avez eu cette idée, après tout. Alors, je vais vous faire une proposition. Parlons ensemble. Ensemble? Oui. Disons ensemble à cette petite, le petit speech de préambule que nous avions préparé ce matin, par cœur. Le texte exact. Le texte exact. Attention, je donne le départ. Ne trichez pas. 1, 2, 3. Prêt? Prêt. Feu! Ils font un pas en avant et commencent la duchesse et Hector ensemble. Mademoiselle. Ou plutôt mon enfant, car notre différence d'âge et notre expérience peuvent nous permettre de vous appeler ainsi. Ils se regardent, ils règlent leur respiration. Mon enfant, donc, ce que nous avons à vous dire va vous paraître bien scabreux dans des bouches aussi respectables que les nôtres. Hector s'est arrêté quelques mots avant la duchesse. Elle le regarde sévèrement. Eh bien, Hector, non, je ne peux pas. Même ensemble, je ne peux pas. La duchesse, et quand je pense qu'un dandiné d'Andenne a défendu un pont tout seul contre 200 albigeois. Hector qui ne sait plus ce qu'il dit, eh ben, faites venir des albigeois. Je défendrai au besoin un pont, mais pas ça. Tout mon être se révolte, pas ça. C'est bien dans ce cas, sortez. Et c'est moi seul avec elle. Puisque le chef de cette famille déserte devant l'ennemi, je me chargerai moi-même de tout. Sortez. Hector sort la tête basse. La duchesse quitte son attitude d'écrasant mépris. Elle attire Amanda près d'elle et reprend plus bas, d'un autre ton où il entre moins de bouffonnerie, mais sous l'humour une vraie intelligence qui la rend soudain presque humaine. Voilà, mon enfant. Je dois vous paraître imbécile. Non, non, ne protestez pas, je vais vous rassurer moi-même, je ne le suis pas. Je sais très bien que ce que je vais vous dire va vous blesser. Vous allez vous lever de ce banc, reprendre dignement votre petite valise de carton, me glisser entre les mains. Elle la regarde, elle continue. Si j'avais une fille, tout ce que vous allez faire, je le sens bien, hélas, juste voulu qu'elle le fît. Mais après tout, nous sommes entre nous, et bien pareil, à peu de choses près, au fond de ce parc désert, dans ce soir qui, en tombant, atténue déjà un peu nos apparences. Elle rêve un peu. Si j'avais une fille... Mais je n'ai pas de fille. Je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Est-ce le duc, pauvre cher incapable, ou moi? Quand il est mort, j'étais trop vieille pour le vérifier avec un autre. Je n'ai pas de fille. Mais j'ai un neveu. Et si j'ai fait pour lui toutes les extravagances que j'ai dû vous raconter tout à l'heure par le menu pour arriver à ce que je vais vous dire maintenant, c'est que je l'aime tout bonnement et que l'extravagance est mon élément naturel. Elle la regarde encore, elle reprend. Si j'avais une fille, oui, bien sûr, mais le ciel nous donne des places, des fardeaux divers, tous aussi lourds, des petits avantages tout de suite oubliés, des bouts de rôle, tous aussi bêtes à jouer, croyez-le, ma pauvre enfant. Le mien devait se terminer, vous allez le voir, sur une composition bien inattendue pour une femme de ma classe. Mais pour vous qui êtes là, toute seule devant la vie, toute nue sous votre petite robe de 4 sous, ça pourrait vous être si facile de combler tout d'un coup une vieille bonne femme qui en est au bout de son rouleau. Je ne vous comprends pas très bien, madame. C'est exprès, mon enfant. Je bavarde pour qu'il fasse tout à fait noir et que vous ne me voyez pas rougir quand je vous demanderai ce que je vais vous demander tout à l'heure. Mes joues me brûlent déjà. Comme c'est drôle, des joues qui brûlent. Pour retrouver cette sensation en moi, il faut que je remonte jusqu'à une petite fille en crinoline avec des pantalons brodés qui dépassent. Une petite fille qu'on avait mise au coin parce qu'elle n'avait pas voulu saluer le maréchal de MacMahon. Elle rêve un peu, le soir descend, Amanda murmure. Il fait tout à fait noir, maintenant. La duchesse d'une drôle de voix brusque dans l'ombre. Dites-moi, mon enfant, vous avez déjà eu des amants? Des amants? Des amourettes sans conséquence. Une partie d'Anne à Robinson, on se plaît, on s'embrasse. Alors voilà que je radote. Je mélange toutes les époques. Des parties d'Anne à Robinson. Je veux dire, dans une guinguette de la campagne où vont les grisettes de maintenant. Bien, je vous effraie et sans doute pis, je vous dégoûte. Je vous demande pas si vous avez aimé. Je suis pas une voleuse de secrets. Je parle des amourettes. Amanda d'une toute petite voix après un autre silence. Oui, j'ai eu des amants, bien sûr, mais je n'ai jamais aimé. La vie est pleine d'imprévus et ce bonheur vous sera sûrement donné un jour. Il faut l'attendre en vivant le plus intelligemment possible tous les jours un par un. Et puis quand on le rencontre, être bien bête tout d'un coup et tout manger à la fois. Mais laissons l'amour. Elle reprend plus bas. Mon petit Albert est un joli garçon plein d'attrait et d'une vraie jeunesse qui dort derrière son chagrin. Il se tuera demain, mademoiselle, je le sais. Demain ou un autre jour, s'il ne retrouve rien de Léocadia, que des pierres et des imbéciles qui l'ont connue mais ne savent pas lui parler d'elle. Je suis une vieille femme très puissante, malgré la République, et follement riche, et je l'aurais vue mourir sans pouvoir lever le petit doigt. Et je restais seule après, inutile comme un vieux clou. Je ne vous comprends toujours pas. Que puis-je pour lui, madame? Je n'ose pas croire que vous avez pu penser. Pourquoi moi, d'ailleurs? Je ne suis pas particulièrement jolie. Et puis, même très jolie, qui pourrait se glisser ainsi tout d'un coup entre lui et son souvenir? Personne autre que vous. Que moi? Mon enfant, le monde est si bête. Il ne voit que des parades, des gestes, des écharpes. Si bien qu'on n'a jamais dû vous le dire, mais Mon cœur à moi ne m'a pas trompé. J'ai failli crier, Chérézéda sœur, la première fois que je vous ai vue. Pour quelqu'un qui a connu d'elle autre chose que son fantôme, vous êtes le portrait vivant de Léocadia. Un silence, les oiseaux du soir ont pris maintenant la relève des oiseaux de l'après-midi. Le parc est plein d'ombre et de murmures. Amanda doucement. Je crois que je ne peux tout de même pas, madame. Je n'ai rien, je ne suis rien, mais ces amants, c'était tout de même mon caprice, n'est-ce pas? Elle s'est levée comme pour un congé, elle a repris sa petite valise, la duchesse doucement aussi, est hélas. Bien sûr, mon petit, je vous demande pardon. Elle se lève à son tour péniblement comme une vieille. On entend le timbre d'une bicyclette dans le noir. Elle tressaille. Écoutez, c'est lui. Montrez-vous seulement à lui, appuyez à ce petit obélisque où il l'a rencontré pour la première fois. Qu'il vous voie, ne fût-ce que cette seule fois, qu'il crie quelque chose, qu'il s'intéresse soudain à cette ressemblance, à ce stratagème que je lui avouerai demain et pour lequel il me détestera, mais à autre chose qu'à cette morte qui va me le prendre avec elle. J'en suis sûr un de ces jours. Cela, vous le voulez bien, n'est-ce pas? Je vous le demande bien humblement, mademoiselle. Et puis, comme ça, vous le verrez, vous aussi, et je sens que je rougis encore en vous disant cela. La vie est trop folle, vraiment, ça fera 3 fois en 60 ans ou 2 fois en 10 minutes. Vous le verrez, si jamais, pourquoi pas lui, puisqu'il est beau, charmant, et que d'autres l'ont été. Si jamais il pouvait avoir le bonheur, pour lui et pour moi, d'être un instant votre caprice. Le timbre encore dans l'ombre, il est tout près maintenant. Amanda, dans un souffle, demande « Qu'est-ce qu'il faut lui dire ?» Dites-lui simplement « Pardon, monsieur, pouvez-vous m'indiquer le chemin de la mer ?» Elle s'est jetée dans l'ombre plus profonde des arbres. Il était temps, une blancheur. C'est le prince à bicyclette. Il passe tout près de la blancheur qui est Amanda contre son obélisque. Elle murmure « Pardon, monsieur. » Il s'arrête, descend de bicyclette, se découvre, la regarde. « Mademoiselle, pouvez-vous m'indiquer le chemin de la mer ?»« C'est le deuxième sur votre gauche, mademoiselle. » Il salue, triste et courtois, remonte sur son vélocipède et s'éloigne. On entend le timbre plus loin. La duchesse sort de l'ombre, toute vieillie. Amanda, doucement, après un temps. Il ne m'a pas reconnue. Il faisait noir, et puis qui sait quel visage il lui donne maintenant dans son rêve. Elle demande timidement. Vous n'avez plus de train, mademoiselle. Vous ne voulez pas rester tout de même au château pour ce soir? Amanda, d'une drôle de voix. « Si, madame. La nuit est tout à fait tombée. On ne les voit plus toutes deux dans l'ombre. On n'entend plus que le vent dans les arbres du parc. Le rideau tombe. » Troisième tableau. Le bougeoir de la duchesse. C'est le matin. Le maître d'hôtel est en scène immobile. Il a l'air d'attendre. Entre un autre maître d'hôtel qui lui ressemble comme un frère. Il se regarde sans amélité. L'autre maître d'hôtel. Bonjour, monsieur. Le maître d'hôtel glacial. Monsieur, bonjour. Un temps, il s'inspecte de la tête aux pieds. Le maître d'hôtel rectifie son nœud de cravate. Malgré lui, l'autre maître d'hôtel fait le même geste. Le maître d'hôtel de la duchesse. « Comment dois-je interpréter votre présence ici, monsieur ?» L'autre maître d'hôtel. « Madame la duchesse m'a convoqué ici pour 9 heures, monsieur, pour régler les affaires courantes du petit établissement fictif que je dirige au fond du parc. » Le maître d'hôtel a un pli d'amertume à la bouche, mais n'en laisse rien paraître. « Dans ce cas, je pense que vous devez pouvoir vous asseoir. » Maître d'hôtel s'assoit raide. Je vous remercie, monsieur. Maître d'hôtel de la duchesse sortant après une dernière retouche au nègre de Venise pour bien montrer qu'il est chez lui, de rien. À la porte, il se ravise et revient. Un mot cependant, monsieur. Personnellement, J'ai toujours servi en maison bourgeoise, et je puis dire, sans me vanter, chez ce que le faubourg a de plus représentatif. Mais un de mes beaux-frères, qui est un homme parfaitement honorable par ailleurs, a choisi par goût du profit la branche hôtelière. Il a été au Picardie, au Waldorf, au Savoy. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais, monsieur. Eh bien, monsieur, chez cette personne et chez ceux de ses confrères qui représentent pourtant ce que la branche hôtelière a de mieux, j'ai toujours noté un certain relâchement, une certaine, comment vous dire, tendance à la familiarité que donnait manquablement aux meilleurs, eussent-ils eu la formation la plus classique, l'habitude de servir le client au lieu du maître, l'autre maître d'hôtel impénétrable. Je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur. À ceci, monsieur. Depuis que les circonstances m'ont fait vous rencontrer, je n'ai pas eu, à mon grand étonnement, l'occasion de noter en vous des signes de cette déformation. Vous serviez pourtant à Dinard, je me suis laissé dire, dans un établissement éphémère qui ne pouvait pas, par la force même des choses, être exactement de tout premier ordre. D'hôtel pâle, un établissement très honorablement coté, mais de tout premier ordre. Non, monsieur. Dans ce cas, permettez-moi de vous poser une question. Je ne veux pas croire que vous me singiez, monsieur, et surtout que vous puissiez, en le faisant, tromper un œil aussi exercé que le mien. N'auriez-vous pas servi de longues années en maison bourgeoise avant de... L'autre maître d'hôtel baisse la tête. Oui, monsieur, avant. Et puis un jour... Eh bien, monsieur, loin de moi de vous demander le secret de votre faute. Je suis simplement heureux de constater que chez un vrai maître d'hôtel, il reste toujours un fond de manière que la déchéance n'entame pas. Merci, monsieur. De rien, mon ami. Excusez-moi si j'ai remué le fer dans la plaie, nous ne parlerons jamais de cela. Je vais prévenir madame la duchesse de votre venue, monsieur. Il sort. La duchesse entre éclatante, comme toujours, suivie d'Hector et d'Amanda, dans une robe et des accessoires très léocadiens. La duchesse. Mon ami, le maître d'hôtel s'est levé précipitamment. Bonjour, madame la duchesse. La duchesse, dans un cri, ne me dites même pas bonjour. Regardez cette jeune femme, regardez-la bien, regardez-la profondément. Qu'est-ce que vous dites maintenant ? Le maître d'hôtel regarde Amanda, un peu ahuri d'abord et sans comprendre le sens de ce brouhaha, puis soudain il comprend. Oh ! La duchesse s'oublie jusqu'à lui serrer les mains dans son enthousiasme. Merci, mon ami. Merci pour ce haut. Amanda, ce haut est un succès, mon enfant. Embrassez-moi. Elle embrasse Amanda. Elle se retourne vers le maître d'hôtel. Et maintenant, mon ami, vous pouvez me dire bonjour. Le maître d'hôtel, bonjour, madame la duchesse. Bonjour, mon ami. Elle montre Amanda. Hein ? N'est-ce pas qui est troublant ? C'est hallucinant, madame la duchesse. Hallucinant! Et moi qui cherchais vainement ce mot depuis hier soir. Hallucinant, c'est bien cela. Où l'avez-vous trouvé? Quoi, madame la duchesse? Il regarde ses mains inquiets. Ce mot? Je ne sais pas, madame la duchesse, si je ne me rappelle plus dans les journaux. Ah, je ne lis jamais les journaux, c'est pour ça. Mais tout de même, c'est le terme exact. Hallucinant, elle est ravie. Hallucinant. Vous êtes hallucinante, mon enfant. Amanda, ça ne doit pas être très joli le matin. Oh, mon Dieu, qu'elle est drôle. Mais n'ayez crainte, vous êtes hallucinante pour nous. Mais en vérité, vous êtes un greuze, un petit greuze qui se promène, Hector. Ou plutôt, la fausse maigre de boucher dont parle le poète. Le poète se trompe, Hector, et vous aussi. Cette petite n'est pas un boucher, c'est un greuze. Et quand elle sourit ainsi, c'est peut-être, je vous l'accorde, une fillette de le nain. Amanda, on vous l'a déjà dit ? Amanda, simplement. Non, madame, je ne connais même pas ses noms. La duchesse, pour qui ce détail, elle a un prix infini. Elle est adorable, Hector. Hector adorable. Ce sont des peintres, mon enfant, de grands peintres. Elle explique aussitôt, car tout ce qu'elle fait est excessif, comme une imbécile. Des peintres qui ont fait des tableaux avec des pinceaux. Amanda, oui, je sais tout de même ce que c'est qu'un peintre. La duchesse, j'ai une ou deux douzaines de leurs chefs-d'œuvre au grand salon. Nous irons les voir tout à l'heure et nous comparerons. Ce sera très amusant. Mais pour le moment, nous n'avons pas le temps de nous amuser. Nous avons à travailler. Elle va au maître d'hôtel. Mon ami, je vous ai convoqué ici pour que vous nous aidiez. Le prince est bien entendu au courant de tout, mais il n'a pas voulu encore recevoir mademoiselle. Quand il la verra, je veux que le cher enfant soit cloué au sol. Cloué ! Et il le sera. Mais bon, attention, il ne faut pas nous attendre à un miracle. Il va tout de même être beaucoup plus exigeant que nous. Oh, ne m'effrayez pas d'avance, madame, j'ai déjà assez le trac comme ça. À quoi servirait de vous le dissimuler, ma chère, les difficultés de notre tâche ? Nous avons une ressemblance. Bon, c'est beaucoup, mais ça ne peut pas être tout, surtout pour une femme comme Léocadia. Il nous faut une atmosphère. Elle va sur Hector. D'abord, où sont les orchidées ? Hector se lève surpris. Là. Les orchidées ? Mais comment pouvez-vous avoir oublié que Léocadia ne se déplaçait jamais sans une gerbe d'orchidées ? Je vais téléphoner à Dinard qu'on m'en apporte immédiatement un choix. Elle sort, il la suit. Amanda est restée seule avec le maître d'hôtel. Il se regarde un instant gêné. Puis elle lui dit avec un sourire hallucinante. Il hésite un peu sur la contenance à prendre, puis il a un geste vague qui ne l'engage pas. Nous faisons de drôles de métiers. Il n'y a pas de saut métier, mademoiselle. Oh non, elle ajoute avec son petit bon sens. Et puis il faut bien vivre, n'est-ce pas? Il y a longtemps que vous l'êtes, vous? Quoi, mademoiselle? Souvenir. Près de 2 ans, mademoiselle. Il vous paye bien? Le maître d'hôtel, outré par cette question brutale, a un geste de maître d'hôtel qui refuse un pourboire. Oh, mademoiselle. Bah, beaucoup, oui, mademoiselle. Et puis la remords, il se ravise. Enfin, quand je dis beaucoup. Et c'est fatigant? Quoi, mademoiselle? D'être souvenir? Il a un geste. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Rien. J'attends. J'attends qu'il vienne. Je me promène entre les tables vides. Je pense. Il ajoute, mis en confiance après un silence. C'est drôle de penser, hein, mademoiselle. On ne croirait pas. Ça rend triste. Amanda, je ne l'ai vu qu'une minute seulement hier et dans le noir. Il est gentil? Il n'est ni gentil ni pas gentil. Si on devait dire quelque chose de lui, c'est qu'il a l'air de ne pas être là. Qu'est-ce qu'il fait quand il vient chez vous? Il s'assoit à une table. Toujours la même, la table qu'ils avaient occupée tous les deux, et ils commandent ce qu'ils avaient commandé ce soir-là, un pommery brut 1923. Je le lui sers avec 2 verres. Alors il se met à regarder la banquette sans rien dire, parfois 5 minutes, parfois toute la nuit, et puis il s'en va. Pauvre garçon. Alors nous, on boit le champagne. Vous en avez de la chance. Oh, vous savez, mademoiselle, à la longue, moi, ça me donne des aigreurs. Amanda qui a rêvé un moment en silence. Ce qui est drôle, c'est qu'il ne se soit vu que 3 jours. Il me semble qu'il faut plus longtemps pour s'aimer, comme je veux dire. Elle demande soudain au maître d'hôtel interloqué. Ils ont fait l'amour, au moins? Maître d'hôtel, ça ne peut pas le dire. En tout cas, pas chez moi. Les gens de l'auberge de Sainte-Anne du Pouldu, qu'on a également reconstruite à côté de nous, le prétendent. Mais j'ai tout lieu de croire que c'est pour se donner de l'importance. Et puis même s'il l'avait fait, c'est si peu une fois, maître d'hôtel a un vague geste d'incompétence. Amanda demande encore, vous croyez, vous, qu'il a eu un vrai chagrin? Le maître d'hôtel a un geste qui ne le compromet pas. Amanda rêve encore et continue. Le chagrin, ça existe, bien sûr, mais je suis peut-être une drôle de fille. Il me semble que c'est ou plus fort ou moins fort. Pas comme ça. Le maître d'hôtel a infiniment distingué, sceptique. Peut-on savoir ce que c'est que le chagrin? Moi qui vous parle au Sporting de Monte-Carlo avant la guerre, j'ai vu le grand-duc Sosten, dans un accès de neurasthénie, faire verser 300 bouteilles de veuve Clicquot, carte spéciale, dans un petit salon et forcer tout le personnel à s'y baigner les pieds. Et il pleurait à chaudes larmes, et il se donnait des grands coups dans la poitrine, et il nous demandait pardon. Mais ça non plus, je ne crois pas que c'était du chagrin. La duchesse est entrée, toujours suivie d'Hector. Voilà, j'aurai 200 orchidées dans 10 minutes. Amanda sourit, ça me paraît beaucoup. Comment beaucoup? Je ne connais pas les peintres, mais je connais un peu les fleurs, madame. Avant d'être modiste, j'ai été fleuriste. Beaucoup? Mais nous n'en aurons peut-être même pas assez. Léocadien en mâchonnait toute la journée. Vous croyez qu'il faut longtemps à quelqu'un de nerveux pour mâchonner une orchidée? Je ne sais pas, pour mâchonner, je vendais plutôt la pâquerette. Organisons-nous en attendant ces fleurs. Le mieux est d'avoir un exemple concret. Nous allons tâcher de reconstituer pour cet enfant l'arrivée de Léocadia au beau Danube. Elle empoigne un fauteuil. Voyons, plantons le décor d'abord. Asseyez-vous là en attendant. À Hector, elle est ravissante et déjà tellement dans la note. Elle vient lui dire sous le nez, ravissante. Ben, j'essaie de prendre l'air distingué. Non, ne prenez aucun air. Nous vous indiquons tout cela. Au maître d'hôtel, j'ai pas voulu répéter chez vous, car Albert est dans le parc et il aurait pu nous surprendre. Tandis qu'il ne vient que très rarement ici le matin. D'ailleurs, Théophile fait le guet. Elle va à Amanda. Vous voyez, mon enfant, plus y songe. Et plus je m'aperçois que le secret de Léocadia était dans son œil. Elle avait une façon de vous regarder comme ça, qui avait un charme, un incomparable. Entre nous, elle était tout bonnement myope. Pendant que nous déménagerons les meubles, exercez-vous donc à cligner de l'œil. Ce sera votre première leçon. Elle revient, maître d'hôtel. Maître d'hôtel, vous allez m'aider à déplacer le nègre. Léogadia prétendait que ce nègre, c'était l'esprit moqueur et léger du matin. Il ne peut s'empêcher de soupirer en le portant. Dieu qu'il est lourd, l'animal. En passant près d'Amanda, elle lui jette clignez de l'œil et penchez la tête. Le dernier, c'était presque bien. Vous faites d'immenses progrès. La porte s'est ouverte sans bruit. Le maître d'hôtel de la duchesse, profondément écœuré, voit son rival, bouleversé, aider de sa maîtresse l'ordonnance sacro-sainte du salon. Tandis que cette jeune femme, dans un coin, penche la tête et cligne de l'œil sans l'ombre d'une raison. Il a un frisson de dégoût et disparaît. La duchesse qui dépasse les meubles. Ici, c'est l'estrade avec les musiciens. Là, c'est la table où ils se sont assis. Voilà, c'est bien ainsi. Approximativement, oui, madame la duchesse. Un bon point, mais pour moi, cette fois. Ne clignez plus maintenant, mon enfant, vous allez avoir la crampe. Et tout à l'heure, quand ça sera pour de bon, vous le ferez sans naturel, au maître d'hôtel. Maintenant, mon ami, je vais vous dire ce que j'attends de vous. Moi, je connais trop bien Léocadia. Il nous serait précieux que ce soit vous, un étranger, qui disiez d'abord à cette petite l'impression profonde que vous a faite la divine en pénétrant pour la première fois au beau Danube. Le maître d'hôtel ravi de ce rôle important. Mon impression, votre impression profonde. Ne vous troublez pas, prenez votre temps, nous vous écoutons. Nous sommes ici entre camarades pour savoir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le maître d'hôtel entraîne, écrivain, je le jure. Comment? Non, rien, pardon. Nous vous écoutons. Ne clignez plus, mon enfant, je vous assure, ne clignez plus. Amanda qui cligne parce qu'elle commence à rire et de plus pouvoir maîtriser son... C'est malgré moi maintenant, madame. Alors clignez, c'est excellent, c'est que vous devenez vraiment elle. Clignez au contraire, clignez. Nous vous écoutons. Le maître d'hôtel qui a eu le temps de se remettre. Eh bien, voilà. Pour être franc, madame la duchesse, quand mademoiselle Léocadia Gardi est entrée pour la première fois dans la salle du beau Danube, je crois me faire l'interprète fidèle de tous mes camarades en disant que nous avons reçu un choc. La duchesse, un choc. C'est très intéressant, un choc à Amanda. Notez, vous avez un crayon, mon enfant ? Amanda qui commence à ne plus rien faire pour retenir son rire. Non, mais je me rappellerai sûrement. Elle dit comme le maître d'hôtel, un choc. La duchesse répétera, viens, un choc. Le maître d'hôtel, un choc. D'abord, mademoiselle Léocadia était belle, extrêmement belle. Et puis elle avait dans sa démarche, dans sa façon de vous regarder dans les yeux en avançant droit sur vous, pour cesser de vous voir à l'instant même où on croyait qu'elle allait vous adresser la parole, une distinction, une arrogance, et dois-je dire le mot, madame la duchesse, qui traduit le mieux ma pensée ? Je vous y invite, mon ami. Du chien. Un chien fou ! La duchesse enthousiasmée. Un chien fou ! Notez tout ça, c'est d'une justesse surprenante. Il a de la valeur, ce garçon. Et un rare don d'observation. C'est vrai, Léocadia est déjà tout entière dans sa démarche, si particulière, si fin de siècle, elle limite les yeux dans les yeux jusqu'à vous toucher, et puis tout à coup, l'air absent. Elle vous a frôlé sans vous voir, c'est tout elle. Seulement moi, je ne suis pas du tout ça, je suis trop petite et puis je sautille. Mon ami, vous savez pas ce que vous devriez faire pour fixer une bonne fois cet enfant ? Vous devriez essayer de nous donner ça. Quoi, madame la duchesse ? L'entrée de Léocadia au beau Danube. Le maître d'hôtel qui en grille d'envie. Je ne sais pas si je peux me permettre, madame la duchesse. Mais voyons, mon ami, puisque je vous le demande. Oh, alors, soit. Mais que madame la duchesse veuille bien noter qu'il n'y aura aucune attention irrespectueuse ou parodique dans ce que je vais indiquer. Je suis un homme fait, n'est-ce pas, malgré tout, plus un éphèbe. Et il m'est nécessairement difficile. Bon, qu'est-ce que vous allez chercher, mon cher ? Nous sommes là pour donner le ton à cette petite, voilà tout. Eh bien, quand mademoiselle Léocadia Gardi est entrée, l'orchestre venait justement, à la demande d'un habitué, d'attaquer un morceau de genre très apprécié cette année-là, la valse des chemins de l'amour. J'ai une idée. Hector fera l'orchestre. Mettez-vous là, mon cher, sur l'estrade. Vous connaissez la valse des chemins de l'amour ? Il y a 2 ans, vous ne cessiez de nous en rabattre les oreilles. Fredonnez-la donc. Ça aidera beaucoup ce garçon. Hector, ravi de jouer un rôle. Dois-je également imiter un violoniste avec mes bras ? Oh, comme vous voudrez. Tout en fredonnant, Hector passera le reste de la scène à se demander s'il imite ou non les gestes. Le maître d'hôtel, si madame la duchesse le permet, c'est sur elle que je marcherai. Excellente idée, allons-y, orchestre. Hector attaque la valse des chemins de l'amour. Le maître d'hôtel commence à mimer gravement l'entrée de Léocadia au beau Danube. À cet instant, le maître d'hôtel de la duchesse ouvre la porte précipitamment, comme s'il avait quelque chose d'urgent à dire. Le maître d'hôtel de la duchesse, madame la duchesse, il s'arrête cloué sur place, Son rival vient de passer devant lui sans le voir. Il marche en tanguant les yeux dans les yeux vers la duchesse qui s'exclame. C'est ça, c'est tout à fait ça. Cet homme est un mime. C'est un mime-né. Reprenons pendant que c'est chaud. Vite, refaites les mouvements derrière lui, ma petite fille. Hector reprend la valse, maître d'hôtel, l'entrée de Leocadia au beau Danube. Et Amanda, qui se tord de rire, marche en l'imitant derrière lui. Le maître d'hôtel, son mouvement terminé, la regarde venir à lui en criant extasieux. Bravo, mademoiselle. Ne bougez plus. Et maintenant, droit sur moi, l'œil dans l'œil. Et tout à coup, l'insolence, toute l'insolence. Je ne suis qu'un maître d'hôtel, je ne suis rien, je ne suis que de la boue, vous ne me voyez même plus. Mais Amanda s'est arrêtée soudain, rouge de confusion. Le prince a écarté le maître d'hôtel de la duchesse qui était resté pétrifié depuis son entrée sans pouvoir articuler un mot. Il est sur le seuil, pâle de rage. Hector s'arrête, la duchesse et le maître d'hôtel se retournent épouvantés. Le prince, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Albert ici, Théophile, qu'avez-vous fait? Le maître d'hôtel de la duchesse baisse la tête vieillie, disant « J'étais entré afin d'avertir madame la duchesse, et puis ce que j'ai vu m'a tellement bouleversé, madame la duchesse. » La duchesse, dans un geste terrible, « Sortez Théophile, je vous sasse !» Le maître d'hôtel de la duchesse sort vieilli de 100 ans cette fois. Le prince sec aux autres. « Laissez-nous aussi, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, ma tante, mais je veux parler seul à cette jeune fille. » Hector et l'autre maître d'hôtel effectuent une rapide retraite. La duchesse se dispose également à sortir. Pour la première fois, le prince regarde Amanda, qui ne sait plus trop où se mettre. Soudain, il voit le nègre de Venise, il bondit. Qui a touché à cette statue? La duchesse de la porte. C'est moi, Albert, j'avais voulu faire de la place pour... Le prince va rageusement la remettre en place. J'ai dit que personne ne devait sous aucun prétexte toucher ce qu'elle avait touché. La duchesse, qui n'a pas trop peur quand même, sort en faisant derrière le dos d'Albert des signes de complice à Amanda. Le prince regarde encore Amanda en silence et finit par lui dire « Je crains que ma tante ne vous ait mise dans une bien mauvaise situation, mademoiselle. » « Je le crains aussi, monsieur. » « Vous aviez absolument besoin de trouver du travail, sans doute. » « Non, monsieur, c'est-à-dire... si. » Madame, votre tante, ayant pris soin, avant même de me convoquer ici, d'user de son influence pour me faire congédier de la maison de mode qui m'employait. Le prince, que ce détail amuse, c'est une femme étonnante. Étonnante, oui. Mais depuis hier, j'ai commencé à prendre l'habitude de ne plus m'étonner de rien. Vous êtes là depuis hier? Oui, vous m'avez même parlé hier soir dans le parc, près d'un obélisque entouré d'un banc de pierre. Le prince, sincèrement surpris. C'était vous? Je vous demande pardon. Il faisait déjà si sombre. Pourquoi m'avez-vous demandé le chemin de la mer? Il paraît que c'était une phrase qu'il fallait vous redire. Le prince s'est arrêté comme frappé de stupeur. Il murmure. Pardon, monsieur. Pouvez-vous m'indiquer le chemin de la mer? Il est allé s'asseoir sur un fauteuil, il ne dit plus rien, il rêve. Le silence se prolonge. Amanda tout saute, fait du bruit, rien n'y fait. Alors elle va sortir sur la pointe des pieds. Le prince crie soudain. Ne sortez pas! Venez ici devant moi. Vous êtes laide. Vous avez une voix de parisienne. Vous ne lui ressemblez pas. Vous ne pourrez jamais lui ressembler. Personne ne peut lui ressembler. Vous êtes une petite midinette, sans race, sans mystère, sans aura. Amanda, calme, qu'est-ce que c'est? Quoi? Une aura? Vous ne figurez pas que je vous donnais des leçons de français par-dessus le marché. Je veux seulement savoir si c'était une insulte. Le prince la regarde, il a malgré tout un petit sourire. Non, c'est pas une insulte. Ah, bon. Un temps, elle le toise et se dirige à la porte aussi digne qu'elle le peut. Le prince ne peut s'empêcher de lui demander. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ça avait été une insulte. Je vous aurais dit ce que je pense de vous. Le prince doucement, soudain, là. Ça m'est égal de savoir ce qu'on pense de moi. Il s'est recroquevillé dans son grand fauteuil ancien et il ne dit plus rien. Amanda le regarde de la porte avec une nuance de pitié dans les yeux. Tout d'un coup, au milieu de sa songerie, il murmure les yeux fermés. Pouvez-vous m'indiquer? Il s'arrête, reprend sur un autre ton, comme quelqu'un qui cherche. « Pouvez-vous m'indiquer le chemin ?» Il s'arrête encore. « Le chemin ?» Il s'arrête épuisé, soudain ses traits se détendent. Amanda, qui a les larmes aux yeux, de voir qu'il a vraiment mal à murmurer derrière lui comme au tableau précédent. Pouvez-vous m'indiquer le chemin de la mer ? Un silence, il demande doucement, humblement, presque. Qui vous a appris à imiter ainsi cette voix ? Personne. C'est la mienne. Dites encore une fois cette phrase, s'il vous plaît. Pardon, monsieur. Pouvez-vous m'indiquer le chemin de la mer ? C'est le deuxième sur votre gauche, mademoiselle. Merci, monsieur. Le prince, les yeux toujours fermés, appelle soudain. Mademoiselle ? Monsieur ? Vous avez laissé tomber votre gant. Amanda regarde d'abord à ses pieds surprise, puis elle comprend qu'il rêve à sa rencontre d'il y a 2 ans. Elle balbutie au hasard, un peu effrayée. Merci, monsieur, je vous remercie beaucoup. Non, elle ne m'a pas répondu. Elle a seulement eu un petit sourire et puis elle s'est enfoncée dans le noir. Il s'est levé, il ne la regarde pas. Soudain, il essuie quelque chose sur sa joue. Il demande pardon. C'est moi qui vous demande pardon, monsieur, d'être là. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'hier soir, je vous ai dit la même chose, avec la même voix. Et vous m'avez répondu tout tranquillement, comme si j'étais n'importe qui, comme si on avait l'habitude de vous demander souvent, à la nuit tombante, quel est le chemin de la mer. C'est drôle, n'est-ce pas, mademoiselle ? Oui, c'est drôle. Mademoiselle, est-ce que malgré ce que je vous ai dit, malgré ce que vous devez penser comme moi de son côté extravagant, vous considérez comme possible d'accepter la proposition de ma tante ? Pour quelque temps, mettons pour 3 jours. Amanda baisse la tête, elle voudrait bien user de sa puissance, de sa colère aussi, elle essaie d'être digne. Je ne voulais pas, hier soir. Et ce matin, j'ai dit oui. Et puis tout à l'heure, je sortais pour dire non. Le prince s'est retourné vers elle gentiment pour la première fois. Redites oui, s'il vous plaît, ça fera juste le con. Oui, moi j'ai l'air d'une idiote qui ne sait pas ce qu'elle veut. De quoi ai-je l'air, moi ? Oh, mais vous, c'est sans importance. Vous en avez fait bien d'autres. Ma vie à moi n'est pas organisée de telle façon que je puisse me permettre d'être toqué. Et qu'est-ce qui vous arriverait si vous étiez toqué, comme vous dites ? Mais les pires drames, je ferais tout le temps sauter les mailles de mes bas, j'userais trop vite mes gants, je raterais mes métros, je me ferais envoyer de ma place. Tout ça m'est arrivé, d'ailleurs, depuis hier. Le prince, oui. On vous a raté. Raconter mon histoire, sans doute. Et je conçois que dans une existence comme la vôtre, où le travail de chaque jour et les petites considérations matérielles de la vie tiennent une si grande place, il doit être un peu agaçant de penser que quelqu'un a dépensé tant d'argent, tant de peine, et maintenant consacre tant de temps au simple culte d'un souvenir. Amanda, tout simplement. Oh non, vous vous trompez. Lorsque l'employé de la mairie est venu nous porter cette grande lettre qui disait que papa ne reviendrait pas de la guerre, maman, qui était femme de ménage, s'est mise à coucher dans un lit cage dans la cuisine. Et elle a organisé une exposition dans leur ancienne chambre de tout ce qui avait appartenu à mon père. Elle a étendu sa jaquette de mariage à côté de sa robe blanche sur leur lit. Et à chaque anniversaire de sa mort, elle dépensait, comparativement, en chrysanthèmes, beaucoup plus que vous n'avez jamais pu dépenser pour reconstruire toute une ville dans votre parc. À mon tour, je vous demande pardon. Il ne faut pas, mais il ne faut pas non plus croire. Je ne crois plus, mademoiselle. Et je suis même bien heureux de ce que vous venez de me confier si gentiment. Ça va me permettre de vous faire à mon tour une autre confidence. Une confidence terrible que je n'ai jamais faite à personne. Ma tante est peut-être une folle, mademoiselle. Une folle charmante, mais une folle. Moi, j'ai beaucoup plus de bon sens qu'elle, croyez-le. Pourtant, si j'ai pu accepter de me prêter à sa folie et de permettre que tous les endroits où j'ai vécu avec mademoiselle Leocadia Gardi fussent reconstruits ainsi dans la solitude de Sparte, c'est dans l'espoir que cette solitude, précisément, m'aiderait un peu dans mon épuisante lutte. Votre lutte ? Oui. C'est extraordinairement bête à dire. Et maintenant que je suis sur le bord de cet aveu, je m'aperçois qu'il est presque comique. Tâchez de ne pas sourire cependant. Je fais tout ça tout simplement parce que je suis en train d'oublier. Qui oubliez-vous? La femme que j'ai aimée. Je ne suis même plus sûr de la couleur exacte de ses yeux. J'avais entièrement perdu sa voix jusqu'à tout à l'heure. Je ne sais pas dans quel univers j'étais hier soir, car mon esprit se sauve tout le temps, je ne sais pas où, vous entendez? Mais songez que vous avez pu à la même place, dans la même pénombre, avec la même voix, me demander le chemin de la mer sans que je sursaute, sans que je crie, sans que je... Ah, c'est trop bête, les voyous du pays n'ont-ils pas raison de rigoler sur mon passage? Le prince Albert Troubiscoy a reconstruit toute une ville dans son parc pour se souvenir de son amour. Seulement, il ne se rappelle même plus la première phrase qu'il lui a dite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Restez 3 jours ici et me laissez regarder votre image aux anciennes places où je recherche la sienne, vainement. Essayez, je vous demande pardon, de ne plus être vous, mais elle, pendant 3 jours. Amanda, qui est debout, appuyait une main sur le nègre de Venise. Je vous le promets, monsieur. Le prince crie soudain. Restez ainsi, je vous en supplie. Le lendemain, elle est venue au château, après le déjeuner, demander à ma tante si elle voulait lui prêter son parc pour une fête de charité qu'elle comptait organiser. Ma tante était sortie. C'est moi qui l'ai reçue. Je l'ai trouvée ainsi, à cette place. Elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup, cette statue. Nous avons passé tout l'après-midi ensemble à bavarder, et le soir même, elle me permettait de l'accompagner pour la première fois au beau Danube. C'est cette boîte de nuit de dinars où nous devions découvrir le lendemain que nous nous aimions. Il a les yeux fermés, le beau Danube. C'était l'endroit le plus prétentieux et le plus ridicule du monde. Et ce maître d'hôtel incroyable, et cette musique. Cette musique faussement viennoise que tout le monde rebâchait cette année-là et qu'elle chantait nerveusement toute la soirée, il chantonne maladroitement le début de la valse. Tra-la, la-la, la-la. Mais qu'est-ce que c'était donc, cette valse? Il cherche. Tra-la, la-la. Amanda l'aide. Tra-la, la-la. Le prince continue. Tra-la, la-la, la-la, la-la, tra-la, la-la. L'orchestre a repris sur la voix d'Amanda l'air de la valse. La lumière baisse et revient sur le 4e tableau. Au 4e tableau, la clairière dans le parc où l'on a reconstruit dos à dos avec leurs enseignes la petite auberge de Sainte-Anne-du-Pouldu, pour le moment fermée car c'est la nuit, et le décor ouvert du beau Danube, brillamment illuminé avec ses lustres rococo et son style d'un charme vieillot. 3 tziganes, qui ont un peu le genre des professeurs du patin du palais de glace, vieux papillons nocturnes conservés dans on ne sait quel phénol, comme le maître d'hôtel et la dame du vestiaire, qui avec ses nœuds et ses fanfreluches a l'air d'une ouvreuse du théâtre français. Amanda et le prince viennent d'arriver. La dame du vestiaire débarrasse Amanda, ravie et étonnée de ses fourrures. Le maître d'hôtel attend la commande. Le maître d'hôtel, comme s'il ne savait pas. Que servirai-je à monsieur? Le prince, la même chose qu'hier soir. Mais dit-elle, bien monsieur. Il note un pommeré brut, 1923. Amanda étourdiment. Ou oh, avant j'aurais bien voulu, j'ai si soif et puis j'adore ça, une anisette à l'eau. Il y a un moment de grand désarroi. La musique s'est arrêtée. Le maître d'hôtel, mais c'est que mademoiselle Gardy n'avait pas... Je vous demande pardon. Amanda soudain confuse. Oh non, c'est moi qui m'excuse. C'est tout, j'ai la tête ce soir, du champagne. Le même qu'hier, bien sûr, enfin, le champagne qu'il faut. La musique reprend, soulagée. Le prince un peu raide après un petit temps. Si vous avez soif, et si vous aimez tant que cela l'anisette, donnez une Marie Brizard, mademoiselle. Maître d'hôtel affolé, une Marie Brizard? Je vais voir si, enfin, je m'arrangerai. Amanda lui crie, avec de l'eau, s'il vous plaît. Le maître d'hôtel s'en allant, de plus en plus affolé, de l'eau? On n'avait jamais prévu. Enfin, on va faire fondre de la glace. Amanda, merci, vous êtes gentil. Je la boirai très vite. Le maître d'hôtel se rassure en partant. C'est ça, et puis j'enleverai le verre et on n'en parlera plus. Hein. Amanda s'excuse avec un sourire. C'est difficile, vous savez, de ne plus avoir d'envie à soi pendant 2 jours. Le prince un peu sec. Après-demain, vous serez libre. Un peu de patience. Il ne faut pas de patience, vous le savez bien. C'est passionnant d'être une autre femme tout d'un coup. Elle caresse ses bracelets. Une femme qui est riche, une femme qu'on aime, Pendant ce temps, on a préparé la nisette avec des courses, des conciliabules, des rencontres de gens qui coursent sans se voir, des va-et-vient. La dame du vestiaire et un des tziganes qui a abandonné son violon s'en sont mêlés. Et c'est presque un petit ballet furtif et trottinant qui est souligné ironiquement par la musique sur un thème qui déforme la valse sans qu'on cesse de la reconnaître. Enfin, le maître d'hôtel apporte la nisette à l'eau. Le prince. Hier, ce n'était pas mal, n'est-ce pas? Le maître d'hôtel, voici la nisette. Il ajoute rancunier, car c'est ça qui lui a donné le plus de mal, avec de l'eau. Amanda qui a vraiment soif. Ah, merci. Elle boit une gorgée, soudain elle contemple son verre. Comme c'est joli quand la nisette n'est pas encore tout à fait mélangée à l'eau. On sent qu'elle voudrait être heureuse un peu pour elle, au milieu de ses parfums, de cette musique, de ses lumières, de ses bijoux inaccoutumés. Mais soudain, elle aperçoit que le maître d'hôtel et le prince la regardent froidement et attendent. Elle avale son verre d'un trait. On fait la grimace parce que c'est trop fort et qu'elle a failli s'étrangler. Elle rend son verre au maître d'hôtel. Pardon. Maître d'hôtel le reprend et ne peut s'empêcher de dire avec un soupir de satisfaction. Voilà. Le prince qui a remis son monocle satisfait. Voilà. Amanda, voilà. Et tandis que l'orchestre qui avait un instant suspendu son souffle reprend de plus belle la valse, le maître d'hôtel qui avait préparé son seau à champagne la porte aussitôt et avec d'autres gestes cérémonieux, car cette fois c'est sérieux, il parvient à le servir dans une atmosphière rassérénée. Le prince hier, n'est-ce pas, c'était pas mal, pour une première fois, malgré certaines maladresses. Et comment vous dire sans vous blesser, mademoiselle, un petit côté populaire, qui d'ailleurs n'était pas sans charme chez vous, mais qui naturellement détonnait. J'ai pourtant pas dit un seul mot d'argot. Oui, justement, mais Leocadia ne parlait que l'argot. Il nous serait vraiment trop difficile de reconstituer aussi son langage. Et puis en somme, nous étions dit si peu de choses de nous ce premier soir. L'essentiel pour moi était de vous voir assise sur cette banquette mâchonnant ses fleurs. Amanda s'excuse gentiment. Le coup des fleurs, j'ai pas dû très bien le réussir. J'étais un peu écœuré, n'est-ce pas, à la longue? Écœuré? Oui, autant un honnête bain d'herbe, c'est bon à sucer dans les bois. Autant cette grosse fleur sucrée et âpre en même temps dans la bouche toute la nuit. Oui, elle disait que ça lui rappelait le pavot. La mandragore, le goût des breuvages maléfiques de l'âne. Bah, je les connais peu, elle me dit, j'en m'en suis tenu au mal d'estomac. Pardon, mais cet après-midi a été meilleur, n'est-ce pas? Bien meilleur. Vous avez pu remarquer, mademoiselle, que j'étais pas prodigue de compliments. C'est vrai. Eh bien, sur ce bateau, pendant ce long après-midi de farniente où nous avons paresseusement remonté la Rance jusqu'à Dinan, je tiens à vous dire que vous avez évoqué d'une façon presque parfaite le fantôme de la divine. Amanda a un coup d'œil de triomphe au maître d'hôtel. Merci, monsieur. Le prince ajoute, pour lui, après un temps, sans méchanceté, il est vrai que cet après-midi-là, elle avait joué, je l'ai senti pour me surprendre, a laissé volontairement sa magnifique intelligence en veilleuse. Merci quand même. Elle n'ose même pas regarder le maître d'hôtel qui est sorti, goguenard. Le prince qui s'est aperçu de rien continue. Vous avez été parfaite. Un peu vivante, peut-être. Un peu en chair et en os. C'est une habitude dont les vivantes se défont très difficilement. Je tâcherai de faire mieux ce soir. Déjà, je sens que je pèse si peu sur ma banquette. D'ailleurs, avec les repas que nous faisons, Leocadia mettait toujours son gant dans son assiette. Oui, je sais. Alors, j'ai beau changer souvent de gant, je finirai par en manger un jour, vous savez. Le prince rêve en la regardant. Leocadia, chair immatérielle. Ah, je vous en supplie, mademoiselle, par respect pour cette image si troublante pour moi que vous êtes sans le vouloir. Ne me dites pas comme vous en avez envie, je le sens, comme c'est votre droit aussi, que vous faites monter d'énormes repas dans votre chambre le soir, après m'avoir quitté. Je suis une vivante, monsieur, mais une vivante honnête. Je tâche, même si c'est dur, même lorsque vous ne me voyez pas, d'être cette jeune femme que vous m'avez demandé d'incarner pour 3 jours. Je vous jure que je ne me nourris que d'orchidées, de champagne et de gants brodés dans mes assiettes. Moi qui me couche comme les poules, je tâche même de m'endormir aussi tard que mademoiselle Leocadia Gardi. Si vous aviez eu la curiosité de passer hier devant les fenêtres de ma chambre, vous auriez pu m'y voir à une heure avancée de la nuit, étendue comme elle sur une chaise longue, la colle de cygne, et essayant de lire, vainement d'ailleurs, à la lueur d'une bougie, un exemplaire de Mallarmé. Le prince est un peu surpris. Pourquoi ? Il n'y a aucune chance que je passe sous vos fenêtres, vous le savez, après l'heure où je vous ai officiellement quitté. Ça vous amuse ? Non. Mes livres à moi m'amusent. Et dormir ? Elle s'étire en y pensant. Ah, dormir ! Est-ce que je vais dormir, moi, après-demain ? Pourquoi alors ? Pour rien. Quand je fais un métier, j'aime le faire bien, voilà tout. Un petit silence, ils se sont détournés inconsciemment. Les tziganes aussitôt se croient obligés de sauter sur leurs instruments et de jouer une petite ritournelle genre viennois. Quand le prince se remettra à parler, ils termineront en douce et se rassieront. Le prince coupe court et revient à son idée. Le second soir était celui qui devait décider de toute notre vie, enfin de toute la vie qui nous restait à vivre. Un retour au matin ensemble et une fin d'après-midi. C'est ce soir-là que vous êtes aperçu que vous vous aimiez ? Qui vous l'a dit ? Je ne sais pas, vous, sans doute. Non, pas moi. Votre tante, peut-être. Ou bien j'ai dû sans doute sentir qu'il fallait que nous en arrivions là. C'est second soir, oui. À mesure que cette nuit étrange se déroulait, si pareille à d'autres nuits, pourtant, avec ses musiques, ses lumières, son alcool, ses bavardages. De quoi avez-vous parlé ce soir-là, avant de vous mettre à parler de vous ? De nous encore. C'était des vieilles maisons que nous avions vues, de la couleur de l'eau de la Rance, au crépuscule de ses poètes préférés, de ses chapeaux. Des gens qui nous entouraient la faisaient rire, mais c'était de nous. C'était elle ou vous qui parliez ? Mais tous les deux, plutôt elle. Pourquoi me posez-vous cette question ? Pour rien. Parce qu'il me semble que moi, si j'étais tombée amoureuse de vous au bout de ce long après-midi d'eau et de lumière, j'aurais aimé laisser ma peau trop chaude se reposer dans le satin de cette robe, sans bouger, avec seulement la fraîcheur de ces diamants à mon bras et ce verre glacé dans ma main, et vous regarder, sans rien dire. C'est que vous êtes un petit être primaire, incapable de s'analyser. Sans doute. Par chance, d'ailleurs, qu'aurions-nous fait de votre analyse, qui serait venue tout embrouillée. À ce propos, je ne saurais jamais vous tenir assez gré, mademoiselle, de la façon parfaitement discrète dont vous aurez joué votre rôle. Vous ne devez pas être naturellement bavarde. Si très à l'atelier, les autres m'appelaient la colle. La colle. Oui, parce que j'avais toujours une histoire à leur raconter. Alors, c'est que vous avez beaucoup de tact, c'est encore mieux. Oh, non plus, dans l'atelier où j'étais avant celui où on m'appelait la colle, on m'appelait la gaffe. La gaffe. La gaffe. Vous ne me paraissez mériter aucun de ces deux surnoms. Je me méfie. Ça me ferait tellement plaisir de vous réussir ces trois jours. Alors, puisque je ne puis pas prétendre parler comme mademoiselle Leocadia Gardi, je voudrais au moins me taire comme elle. Il y a tant de façons de se taire en écoutant parler l'homme qu'on aime. Quelle était sa façon de se taire à elle, le prince, sans rire, perdu dans ses souvenirs ? Elle parlait moins fort. Mais elle continuait quand même ? Oui, oui, oui. Elle amorçait généralement sa réponse, ou bien elle finissait la vôtre. D'autres fois, elle murmurait des mots sans suite, des mots roumains, sa langue maternelle. Ce monologue ininterrompu, où se jouaient toutes les facettes de son esprit multiple, ce continuel feu d'artifice était d'ailleurs un de ses plus grands charmes. Elle le coupait de longs rires de gorge qui naissaient soudain dans la conversation, au moment où on s'y attendait le moins, et mouraient aussi vite, pour rien, dans une sorte de cri bizarre. Je dois vous paraître bien calme, en effet, à côté d'elle. Mais non, il ne pourrait être question, évidemment, pour vous de retrouver le génie verbal de cette tête d'exception, mais c'est déjà beaucoup, croyez-le, mademoiselle, que vous ayez pu m'en donner cette précieuse image muette. Il lui a pris la main tout naturellement à la fin de cette phrase. Il la repose. Oh, pardon. Pourquoi ? J'allais vous prendre votre main. Elle détestait qu'on la touche. Même vous ? Surtout moi. Elle présentait que j'avais une poigne de brute, des mains de paysan qui faisaient mal. Amanda lui a pris vivement la main et la regarde. Des mains de paysan ? Le prince un peu gêné, sa main prisonnière. Oui, j'ai des cales. Mais le yachting, les raquettes, et puis je sais pas si vous êtes comme moi, je ne peux pas tenir un club les mains gantées. C'est drôle, une main de moisif. C'est vrai, ça porte autant de traces d'outils qu'une main de paysan. Prenez-moi le bras pour voir. Il prend le bras un peu surpris, elle a fermé les yeux, elle murmure avec un petit sourire au bout d'un temps. Non, elles sont dures, mais elles ne font pas de mal. Le prince retire sa main et il y a un silence. Les tziganes qui ont peur d'être pris en flagrant délit sautent sur leur violon. Le premier violon est descendu jouer à leur table, son air le plus amoureux. Le prince ne dit rien, il regarde sa main. Au bout d'un moment, Amanda risque timidement. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que si elle m'avait dit sur ma main ce que vous venez de me dire, j'aurais été fou de bonheur ce soir. Elle qui parlait tant tout de même, elle a bien dû, entre autres choses, vous dire qu'elle vous aimait. Oh, bien sûr, mais elle était si habile à s'analyser, à saisir au vol les moindres nuances de son esprit vagabond, que cet aveu qu'elle m'a fait, certainement, pour répondre au mien, il me serait très difficile d'en redire les termes. Les termes exacts, non, mais les circonstances, même les circonstances... Elle était si folle ce soir-là. Elle parlait de tout, se coupant, jouant à être avec moi tour à tour, chaque amoureuse, la mythologie. Elle me cherchait des airs de taureau, des airs de cygne. Elle m'avait même obligé, moi qui déteste ça, à allumer un énorme cigare, ne voulant plus me voir qu'entouré de fumée, sous prétexte que je ne sais plus quelle déesse avait été aimée par Jupiter déguisé en nuage. Tout ça coupé de notes, de bribes d'opéra, de réminiscences de ses rôles. J'ai été également Siegfried et quelques autres héros weinériens. Ce soir-là, le violon a regagné sa place, la musique s'est tue doucement. Dans le silence, Amanda demande une petite voix unie. Mais vous êtes bien sûr qu'elle ne vous a pas dit une seule fois tout simplement « je vous aime » ? Leucadia ne pouvait pas dire tout simplement « je vous aime », même à son levrier favori, même au petit serpent apprivoisé qui la suivait partout. Un petit serpent fut-il apprivoisé, je ne dis pas, mais à vous, ça me fait de la peine qu'elle ne vous ait pas dit « je vous aime, Albert ». Vous aime, Albert. Je vous aime, Albert. Vous êtes ridicule, mademoiselle. Tâchez donc de comprendre une bonne fois qu'il ne s'agit pas du roman d'une petite fille d'un calico sur les bancs d'une station du métropolitain. Bien sûr. Remarquez que... Elle vous l'a peut-être dit « je vous aime » au milieu de tout le reste et que vous ne l'avez pas entendu. Je ne crois pas. Mais quand vous venez ici le soir et que vous tâchez de la revoir en face de vous sur cette banquette, vous la faites parler en imagination? Bien sûr. Pas tout de suite. Parce qu'il me faut quelquefois plusieurs heures avant de recomposer son image, de l'asseoir en face de moi, immobile. Elle bougeait tant. Et puis je vous l'ai dit, beaucoup de détails me fuient. Ses yeux surtout, ses yeux m'échappent toujours. Amanda doucement. Ils sont là, ce soir. Quand je l'ai enfin tout entière, avec beaucoup de précautions, j'essaie de la faire parler, oui. Vous reconstituez le monologue? Oh non, ce serait trop difficile, presque insurmontable. Et puis son image est trop fragile, hein, rien la disperse. Je lui fais dire des choses très simples, au contraire. Oui, non, peut-être, à ce soir. Je lui fais dire mon nom aussi. Elle m'a affublé, je vous l'ai dit, des surnoms les plus fous. Le berger Paris, Séros, mon cygne. Elle ne m'a jamais appelé par mon nom, elle le trouvait bête. Il l'est d'ailleurs, mais enfin, c'est le mien. Alors je me venge, je lui fais dire... Albert. Toute une nuit, je lui fais répéter Albert, mon cher Albert. Mais ça me fait généralement mal. C'est pas de chance parce que la seule fois qu'elle me l'a dit, c'est en se moquant. Et c'est toujours la forme de sa bouche à ce moment-là que je retrouve. Et vous ne lui faites jamais dire je vous aime, c'est l'occasion, tant que vous la tenez à votre merci? Non. Je n'ose pas. Et puis je n'imagine vraiment pas comment elle aurait pu le dire. Je ne retrouverai jamais sa bouche le disant. Amanda, presque tendrement, regardez-moi bien. Il lève la tête, surpris, la regarde, elle murmure doucement, les yeux bien clairs, bien en face. Je vous aime, Albert. Il a pâli, la regarde, les mâchoires serrées, elle répète. Je vous aime, Albert. Vous vous rappellerez le mouvement de ma bouche? Je vous aime, Albert. Le prince, la gorge serrée, un peu dure. Merci. Il veut servir du champagne, mais sa main tremble, il ne doit pas incliner assez la bouteille. Il n'y arrive pas. Le maître d'hôtel qui le guette se précipite, se méprenant sur son geste. Est-ce que je dois renouveler le champagne, monsieur? Oui, merci. Le maître d'hôtel emporte le seau. À ce moment, l'orchestre, qui avait l'air d'attendre ce signal, attaque un morceau très brillant. Le prince s'est dressé furieux, il leur crie « Ah non, pas cette musique !» Les musiciens se sont arrêtés médusés. Le maître d'hôtel s'avance. « Je m'excuse, monsieur, mais Monsieur ne peut pas avoir oublié qu'au moment où on a renouvelé le champagne à la table de monsieur, nous avions attaqué ce morceau. C'était un usage de la maison, d'ailleurs, d'attaquer toujours un morceau quand on renouvelait le champagne à une table. Et ce soir-là, je puis assurer à monsieur que nous n'y avons pas manqué. Le prince est Gaspard, je vous dis que je ne veux pas de cette musique. Ça m'est égal ce qu'on a fait ce soir-là. Le personnel se regarde atterré par cette phrase sacrilège. Le maître d'hôtel qui est revenu avec son seau tremble comme une feuille. On entend dans le silence le bruit de la bouteille sur le métal. Le prince Amanda se regarde hostile. Le maître d'hôtel qui tremble de plus en plus laisse partir le bouchon. Boum, explosion. La dame du vestiaire sur le seuil de sa tanière a poussé un cri de souris. Inondation, le maître d'hôtel éponge, mort de confusion. Pardon, monsieur, c'est la première fois depuis 37 ans. Ça doit être une mauvaise bouteille. Je vais la changer. Amanda calmement au maître d'hôtel qui s'éloigne. Pour moi, vous me redonnerez une anisette à l'eau. Le maître d'hôtel qui s'en va, se cognant partout, égaré. Une autre anisette à l'eau ? Le prince entre ses dents. Pourquoi cette effronterie supplémentaire ? C'est pas une effronterie, mais vraiment, votre mauvaise humeur sans raison est insupportable. Alors je redeviens à moi, un petit moment pour me reposer. Et moi, j'ai soif. Et j'aime pas le champagne. Moi. Moi ! C'est intéressant de dire moi, n'est-ce pas? Depuis 2 jours, vous n'avez pas cessé d'être vous. Rassurez-vous. Et de vous moquer comme toutes vos pareilles d'une chose que vous n'êtes pas capable de comprendre. Vous mentez, je tâche d'être elle, le plus honnêtement que je peux, tant que je peux. Je ne peux plus, pour un instant. Pardonnez-moi, laissez-moi boire mon anisette. Pourquoi vous êtes-vous amusé à dire ces mots qu'elle n'a pas dit, qui me faisaient mal, vous le saviez? J'espérais qu'ils vous feraient du bien. Vous mentez. Oui, je mens. Elle s'est levée toute simple. Je vous demande pardon de la peine que je vais vous faire. Mais il me semble qu'un chagrin d'amour est une chose si belle, si précieuse, qu'on n'a pas le droit de la gaspiller comme ça. Alors voilà, vous allez me détester, me chasser probablement, mais je rentrerai moins triste à Paris si je vous ai dit ce que je pense. Elle ne vous aimait pas, monsieur. Et ça, ça n'est rien, ça n'empêche rien. On peut donner tout l'amour sans jamais rien recevoir. Et puis au fond de vous, je suis sûr que vous le saviez déjà un peu, qu'elle ne vous aimait pas vraiment. J'ai autre chose à vous dire de plus grave avant de m'en aller recoudre mes chapeaux. Voilà, vous êtes jeune, riche, beau, charmant, et vos mains de paysan ne sont pas dures. Vous devriez tâcher de vivre, d'être heureux, et d'oublier vite cette histoire. Parce que je crois bien que vous non plus, monsieur, vous ne l'avez pas aimé vraiment. Silence où chacun suspendu son souffle, puis le prince dit d'une voix calme. Vous êtes complètement idiote, mademoiselle, et d'une impudence que je ne veux même pas qualifier. Maître d'hôtel, faites avorter le vestiaire de mademoiselle, s'il vous plaît. L'allée du château est un peu sombre, on va vous raccompagner. Vous pourrez vous faire régler par l'intendant de ma tante dès demain matin. Une façon de mêler l'argent à tout cela ne fait rire et ne cingle que vous. L'admirable désintéressement du peuple, je l'oubliais. Si vous y tenez, on ne vous donnera rien. Rassurez-vous. Si, on me donnera le prix de mon aller-retour et celui de 3 journées d'ouvrières modistes au tarif syndical pour la région parisienne. Je puis vous dire tout de suite, à 1 centime près, je leur dispense. Maître d'hôtel s'avance, précédant la dame du vestiaire avec la cape d'Amanda. Il chevrotte d'émotion. Le vestiaire de mademoiselle. Amanda, vous le ferez rapporter au château. Moi, je ne porte pas de fourrure en été. En été, j'ai chaud, moi. Et elle va sortir dignement. Le prince la rattrape. Mademoiselle, je fais partie du caste où la littérature comique recrute volontiers son personnel de niais et de gâteux. J'ai été étrangement élevé, c'est vrai, par de vieilles dames, de vieux prêtres. Et sorti de leurs mains, le monde s'est borné pour moi à une société qui ne doit certainement pas avoir beaucoup de contact avec ce que vous appelez la vie. De là à me prendre de prime abord pour un imbécile, il n'y a qu'un pas. Mais je vous ai jamais pris pour un imbécile, monsieur. Si, un peu. Ne protestez pas, c'est tellement naturel. Moi, je viens bien de vous traiter d'idiote. On prend toujours pour des imbéciles les gens qui ne pensent pas comme vous. Mais n'ouvrons pas cette parenthèse, nous n'en sortirions plus. Il y a un préjugé indiscutable, mademoiselle, contre le prolétaire ivrogne. Sombre ganache qui mène le pays aux abîmes, paralyse la production, ne fait pas d'enfants, veut absolument jouer aux boules 2 fois par semaine, et méconnaît tout ce qui est un peu grand, un peu sacré, comme on dit. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y ait également un préjugé contre un malheureux garçon qui loge, comme moi, dans un monument du XVe siècle et porte 22 noms agrémentés de titres ayant perdu toute signification? Peut-être vous étonnez, mademoiselle, Mais il est aussi difficile à un homme comme moi de faire admettre qu'il n'est pas une buse que cela peut l'être au fils des derniers paysans goitreux du Cantal. Et encore, le fils des paysans goitreux, dès qu'on a compris qu'il n'est pas une buse, on lui donne des bourses et on l'encourage à devenir président de la République. C'est les travailleurs. Moi, jamais. Pas du tout où vous voulez en venir, monsieur. À ceci, mademoiselle, nous ne sommes des imbéciles, ni vous ni moi. Accordons-nous cela, voulez-vous? Pourtant, c'est un fait. Mon amour vous semble une chose absolument funambulesque. Vous ne pouvez pas croire que j'ai pu aimer une personne aussi comique que mademoiselle Gardy. J'ai jamais dit comique, monsieur, parce qu'elle est morte, et que vous êtes une petite fille sensible pour qui les morts sont sacrés. Mais si elle était là, ce soir, à cette place, vous ressemblant trait pour trait et habillée comme vous, vous lui éclateriez pourtant de rire au nez. Dis-moi donc, oui, vous le pensez? Oui, monsieur. Eh bien, puisque nous ne sommes des imbéciles ni l'un ni l'autre, nous allons nous expliquer, mademoiselle, une bonne fois. Asseyez-vous. Pourquoi? Parce que je vais vous dire un très long monologue. Et en effet, il commence. Voilà. C'est très joli, la vie, quand on la raconte comme ça, ou quand on la lit dans les livres d'histoire. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'il faut la vivre. On ne peut pourtant pas dormir plus de 12 heures par jour. Restent les procédés classiques, l'alcool, les drogues. Mais ça me dégoûte un peu, personnellement, de me fabriquer un bonheur avec des remèdes. Vous me direz qu'il y a le gai courage, genre boy scout. Mais ça, c'est une grâce. Une grâce que Dieu a distribuée, comme les autres, très parcimonieusement. Quant à la méthode qui consiste à viser sa descente de lit, du bon pied, tous les matins, et se mettre devant une glace pour faire sa gymnastique suédoise en se répétant qu'on est heureux, non. Non. Tout de même, c'est une hygiène de constipé. Je m'ennuyais donc. Avec tout ce que le ciel vous a donné, soupireront les âmes vertueuses. Quand il y a tant de malheureux, raisonnement absurde. Allez donc dire à ces malheureux, par exemple, qui devraient se réjouir de leur excellent estomac, au lieu de se plaindre quand il y a tant de millionnaires gastralgiques. Ils vous sauteront dessus, et ils auront parfaitement raison. Mon cas est exactement le même, mademoiselle. Tout comme un bon estomac, le confort est une habitude. Il faut vraiment être un paltoqué pour pouvoir y trouver son bonheur. Je m'ennuyais. Ah, si vous aviez été obligé de travailler 8 heures par jour pour gagner votre vie, jeune homme. Sans doute. Devant un tour à l'usine ou une pile de factures, j'aurais pu avoir le loisir, étant pauvre, de ne pas penser à moi en semaine et de me contenter, comme tout un chacun, de m'ennuyer ferme le dimanche. C'est vrai. Mais le ciel a voulu m'envoyer cette épreuve des 7 dimanches. Je tiens à la subir honnêtement. Je ne me vois pas non plus trichant dans des comités charitables ou dans des sociétés pour l'encouragement à l'élevage de certaines races de chevaux. Quant à travailler pour accroître ma fortune, vous m'accorderez que ce serait un geste parfaitement ignoble et immoral. Que vous dirais-je encore? Je ne suis pas artiste, je n'ai pas de don. J'ai une assez bonne mémoire, il est vrai, mais je trouve plaisant d'user sa vie à enregistrer des sciences si on n'est pas capable de les recréer tout seul. Reste l'organisation rationnelle, draconienne des plaisirs. C'est à quoi s'emploient la plupart des gens de mon monde. Eh bien, mademoiselle, laissez-moi vous dire que cela, c'est une vie de bagnard. Si les pauvres bougres dépensaient dans le commerce la moitié de l'énergie, de l'imagination, de la ténacité que dépensent les oisifs pour aller bailler sous des prétextes aux quatre coins de l'Europe, ils y feraient rapidement d'immenses fortunes. J'ai pas de vice non plus. Ah, quelle chose merveilleuse, quelle chose forte et simple, un vice. Je n'en ai point. S'élance, il s'est arrêté. Elle demande timidement, est-ce que c'est tout, monsieur? Presque, mademoiselle. Dans ce brouillard d'ennui, dont je ne pensais jamais sortir, un être est passé, faisant de la lumière pendant 3 jours. Un être insensé, je vous l'accorde, suivi de lévriers, de serpents apprivoisés. Un être qui se levait au crépuscule et se couchait à l'aube, et dont les nuits se passaient à un long bavardage sans suite coupé de bribes d'opéra. Une mangeuse d'orchidées qui ne vivait que d'un peu de vin de champagne et de beaucoup de passion. Une folle qui s'était étranglée d'un geste avec son écharpe un soir où elle avait trop parlé de Bach. Mais cette folle, avec ses raffinements ridicules, ses frivolités, c'était l'intelligence, mademoiselle. L'intelligence. Une autre déesse dont vous avez peut-être entendu parler. C'est en souvenir d'elle que je laisse volontiers les gamins de Pont-Aubron faire cortège dans les rues derrière moi en Saint-Jean. Je pense que des gamins ont dû la suivre aussi dans les rues, un peu partout. En 3 jours, avant de me laisser dans ce monde désert avec ce souvenir qui m'échappe, cette folle a eu le temps de me faire comprendre le prix de quelques apparences. Celui de 2 jolies lèvres qui ne disent que je t'aime, entre autres, d'une chair fraîche qui ne fait que plaisir à toucher. Le prix de votre chère quiétude, de votre cher amour, heureux de se chauffer au soleil dans les papiers gras des pique-niques et les flonflons, et aussi celui de notre âpre joie à nous, qui n'a rien à voir avec votre petit bonheur. Je ne vous aime pas, mademoiselle. Vous êtes belle, plus belle qu'elle, peut-être. Vous êtes désirable, vous êtes gaie, tendre, vous êtes tout ce que vous voulez. La jeunesse, la nature, la vie. Et vous avez peut-être raison, par-dessus le marché. Et je ne vous aime pas. C'est tout, cette fois, monsieur ? Oui, mademoiselle. C'est tout. Eh bien, ça m'est complètement égal, tout ce que vous venez de me dire. Elle se lève, traverse hautaine la boîte de nuit, sort en claquant la porte, fait quelques pas décidés en claquant les talons dans le parc, puis tout d'un coup, quand elle sent qu'il n'y a plus de galerie, s'écroule en sanglotant sur le banc de pierre dans l'ombre. Le prince, sa tirade dite, est resté tout raide, très fier de lui. Il regarde autour de lui, il est seul. Il va mécaniquement à sa table et au maître d'hôtel qui s'approche, il demande lamentable. Vous n'en avez jamais douté, vous, que je l'ai aimé plus que tout au monde, n'est-ce pas ? Le maître d'hôtel lui servant du champagne obséquieux. Oh, monsieur, comment monsieur peut-il se demander ? Mais monsieur l'a adoré, voyons. Nous en causons parfois entre nous, mes camarades et moi. C'est un amour inoubliable, monsieur, même pour nous autres. Et tandis que le prince, qui s'est pris la tête à deux mains, commence à rêver, il se retourne vers les musiciens et commande avec un ignoble clin d'œil. Musique ! Les musiciens goguenards attaquent vigoureusement leur valse. Le prince s'est écroulé la tête dans ses mains. Amanda, dans l'ombre du parc, sanglote doucement sur le banc. Le rideau tombe. Le rideau se relève. Sur le 5e tableau, c'est une aube grise et rose. À des frémissements incertains, on devine que le lever du soleil est proche. Amanda, endormie dans ses larmes, a glissé par terre devant le banc de pierre. Les lumières de la boîte de nuit se sont éteintes. Le maître d'hôtel et les autres vieux papillons nocturnes ont disparu. Dans le désordre de la salle déserte, le prince en habit dort encore, la tête dans ses bras, écroulé sur la table au milieu des verres. On entend des coups de fusil au loin. Quelques secondes et les coups de fusil se rapprochent. Entre, en costume de chasse vieillot, la duchesse et Hector armés de longues canardières. Ils sont suivis d'un garde portant des fusils de rechange et des carniers vides. Le garde, à vous, monsieur le baron! Hector tire dans la salle et dépité. Raté. À vous, madame la duchesse. Raté. Quel bonheur. Je suis toujours contente quand je rate un oiseau. C'est si joli, un oiseau qui vole, si confiant, si heureux. Je me demande bien pourquoi on s'évertue à jeter à date fixe des boulettes de plomb à ces malheureuses petites bêtes. Soudain, elle aperçoit une blancheur au pied du banc. Elle pousse un cri. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette tache blanche? Auriez-vous atteint quelque chose, Hector ? Je ne crois pas, cher ami. Le garde s'est avancé. C'est la jeune invitée de madame la duchesse. Comme dites-vous, Germain ? Blessée ? Non, endormie, madame la duchesse. Elle a été à elle, endormie et blessée sans doute. Son visage est encore plein de larmes. Amanda a poussé un petit cri, puis elle reconnaît la duchesse. Ah ! C'est vous, madame. Non, je ne veux plus parler à personne. Je veux m'en aller d'ici le plus vite possible. La duchesse a fait signe aux autres qui sont sortis. Vous en allez, mon enfant ? Pourquoi ? Elle est plus forte que moi, madame. Je me moque d'elle, vous entendez ? Je me moque d'elle. Je sais bien que je suis plus forte qu'elle. Mais elle est plus forte que moi. Elle est très forte, mon enfant. Mais pas plus forte que vous. Et puis de vous à moi, elle a un immense défaut pour une jeune femme. Elle est morte. Elle ne voulait même pas qu'il lui prenne le bras. Pourtant, je le sais, moi, que ses mains ne sont pas dures. Ce sont des mains toutes simples, ces mains, des mains faites pour prendre, pour toucher. S'il les écoutait seulement, mais il ne les écoute pas. Alors, il faut que je m'en aille parce qu'elle est plus forte que moi. Vous avez 20 ans. Vous êtes vivante et vous êtes amoureuse. Vous êtes plus forte que tout le monde ce matin. Parce que, regardez autour de vous, au lieu de pleurnicher sur des songes de la nuit, c'est le matin maintenant. En effet, la lumière a changé autour d'elle et les transformations vont s'accomplir à mesure que la duchesse parle comme une vieille fée. Le soleil est déjà presque levé. Tout espère et s'en trouve au même rythme. Les corolles, les jeunes feuilles hésitantes et les volets des bonnes gens. Santé. Voici les premières odeurs du jour, l'odeur de la terre, l'odeur de l'herbe mouillée, puis celle du café, qui est l'hommage de l'homme à l'aurore. En effet, le patron de l'auberge de Sainte-Anne-du-Pouldu a ouvert ses volets et est apparu sur le seuil, bâillant et moulant déjà son café. Plus tard, il sortira des petits arbustes et les arbres de la terrasse. La duchesse. Voici les premières couleurs franches, les vrais verts, les vrais roses. Bientôt, ce sera le premier bruissement d'abeilles, la première tiédeur. Léocadia avait peut-être les forces de la nuit pour elle tout à l'heure. Vous avez 20 ans. Vous êtes vivante et vous êtes amoureuse. Et tirez-vous au soleil et éclatez de rire. Toutes les présences du matin sont avec vous. La duchesse disparaît sans qu'on s'en aperçoive. Le soleil est devenu tout d'un coup éclatant. La musique triomphante. Amanda s'étire et rit au soleil. La musique finit dans un éclat de rire heureux. Elle va à l'auberge dont le patron achève de ranger la terrasse. Le patron. Monsieur. Le patron fait comme s'il n'entendait pas. Patron. Même jeu. Amanda tape sur la table avec un caillou. Il la regarde, va constater que si elle n'a pas abîmé le vernis d'un coup de chiffon. C'est bien l'auberge de Sainte-Anne-du-Pouldu ici? Le patron monte l'enseigne d'un geste. Merci. Vous êtes muet? Oui. C'est ennuyeux d'être muet? On s'y fait, comme à tout. Ça vous a pris jeune? 37 ans. Qu'est-ce que vous faites pour vous soigner? Des gargarismes. Des gargarismes? Des vrais gargarismes? Le patron, qui s'est tout à fait apprivoisé, s'éclaire d'un sourire. Non, mais aussi je ne suis pas vraiment muet. En fait, de gargarismes, moi, c'est une tomate et une oxygénée avant chaque repas. 4 par jour, pas plus, j'ouvre l'œil, j'ai eu un grand-père alcoolique. Pourquoi ne vouliez-vous pas me répondre tout à l'heure? Je me méfiais, je ne vous avais jamais parlé, je ne vous connaissais pas, en somme. Et maintenant? Maintenant que nous avons parlé, c'est différent. Je vous connais. Quelquefois, quand on me l'offre, j'en prends aussi une le matin, malgré le grand-père. Mais c'est exceptionnel. Une quoi? Une tomate. Qu'est-ce que c'est qu'une tomate? C'est une oxygénée avec du sirop de grenadine. Et une oxygénée? C'est comme la tomate, seulement on ne met pas le sirop. Alors, ce sera 2 tomates? Ça sera 2 tomates. Mais dites-moi, est-ce que le souvenir du grand-père ne vous empêchera pas de boire aussi la mienne? J'ai pas du tout soif ce matin. À la rigueur, non. Quand c'est une dame qui demande, je le fléchis. Il rentre dans l'auberge et revient avec des bouteilles et des verres. Vous êtes de Dinard? Oui. Et vous avez passé la barrière du parc sans vous en apercevoir? Oui. Tout l'été, il y en a comme ça qui se trompent et qui croient que je suis un vrai café. Ça me permet de faire de petites affaires supplémentaires. Parce que vous n'êtes pas un vrai café? Non. Oh, c'est toute une histoire. Le propriétaire, c'est un prince. Mais attention, hein, un vrai. Il a fait reconstruire dans son parc tous les endroits où il avait rencontré une femme autrefois. Un excentrique, quoi. Il y en a qui disent que c'est pour se souvenir. Pas si bête. Hein. Pour moi, il y a une histoire de lotissement d'accord avec la municipalité. C'est tout franc-maçon et jésuite là-dedans. Moi, je ferme les yeux, c'est pas mes oignons. Et c'est ici qu'ils se sont rencontrés? Qui? Le prince et cette jeune femme. Il paraît que oui. Comment il paraît? Vous ne vous souvenez déjà plus? Et pour cause. Je vais vous dire, c'était une affaire. Les propriétaires de l'auberge, quand on leur a proposé de racheter le fonds et de reconstruire ici, ça faisait 17 ans qu'ils tenaient. Ils ont préféré se retirer chez eux, du côté de Port-Navalo en Arzon. Alors ils m'ont mis en gérance. Et quand le prince vient, s'il vous questionnait... Oh, vous pensez bien qu'ils m'ont mis au courant. Alors quand on me demande, je raconte... Comment ils sont arrivés en taxi, ces messieurs-dames, comment ils ont commandé leur limonade... Tous les détails, quoi. Et il faut pas croire, je les raconte aussi bien qu'un autre qui les aurait vus, leur foutaise. Des fois même, quand je suis lancé, j'invente. Je n'aperçois même pas. C'est à croire que lui non plus, il n'était pas là à l'époque, le prince. Il est rentré dans l'auberge, ravi de son effet. Amanda le rappelle, monsieur, monsieur patron. Qu'est-ce que c'est? Je vous aime beaucoup. Pas trop inquiet, tiens. Pourquoi? Je vous le dirai jamais, mais vous venez de me faire un grand cadeau. Hein? Pour les tomates, en tout cas, c'est vous qui invitiez, hein? Ça fait 3,50 francs. Voilà, et c'est moi qui vous remercie. À ce moment, le prince qui s'est réveillé sort le col relevé frissonnant de la boîte de nuit. Sauvez-vous vite! Elle s'est dressée devant le prince, souriante, un peu apeurée tout de même. Il la voit soudain. Vous êtes là? Oui, je suis là. Moins de pardon de ma violence tout à l'heure. N'en parlons plus. Non, n'en parlons plus. Il frissonne. Vous frissonnez? Il y a toujours un peu froid le matin. Vous ne voulez pas vous asseoir au soleil? Il est déjà chaud. Le prince s'avance et regarde l'auberge. Ah, c'est l'auberge où nous étions vus. Nous étions mis à l'intérieur, près de la petite fenêtre, au rideau rouge. Il faisait froid. Si nous mettions ici à la terrasse, il fait si doux ce matin. Oui? Pardon, il se cogne aux chaises. Je me cogne aux chaises. Je suis toujours très maladroit. Et puis, je suis encore un peu endormi. Vous ne vous levez jamais si tôt? Habituellement, je rentre me coucher à l'aube, mais je m'étais assoupi sur la table. J'étais en retard, ça fait que maintenant, je suis très en avance. Il fait froid ce matin. Non, je vous assure, il fait déjà presque chaud. D'ailleurs, écoutez les abeilles. Elles ne diraient pas cela s'il faisait froid. C'est certainement elles qui ont raison. Vous souriez? Pourquoi? Vous me paraissiez terrible tout à l'heure. Plus maintenant. Je ne suis pas terrible. Le patron s'est montré surpris et soupçonneux. Monsieur me dira, la limonade que je sers habituellement à l'intérieur, est-ce que je dois la servir ici? Vous ne servez pas de limonade, mais deux cafés au lait bien chauds. Monsieur a froid. Café au lait? Ah bon, moi je proposais la limonade parce que d'habitude c'est la limonade. Voilà, si on préfère des cafés au lait, je peux naturellement faire des cafés au lait, moi. Dans de grandes tasses avec du pain au beurre. Dans de grandes tasses avec du pain au beurre. Il disparaît en grommelant. Si je me serais douté, quelle intrigante, celle-là. Amanda, ça vous ennuie pas que nous déjeunions ensemble? Non, ça m'ennuie pas. Il chasse encore des abeilles, encore ces sales bêtes. Oh, ne les chassez pas. Pourquoi, ça vous amuserait de me voir dévorer vivant? Elles ne vous dévoreront pas, je vous le jure. Vous les connaissez? Très bien. Comme vous avez l'air d'être chez vous, vous, dans le matin. Je suis bien heureuse de vous recevoir. Voici mes arbres, mes abeilles, mon soleil. Il la regarde et murmure. Vous êtes terrible. C'est vrai? Vous êtes comme une sorte de petit ogre, rose et fleurissant. Le patron a apporté du café et du lait dans des tasses bleues, un monceau de tartines. Voilà les cafés au lait, mais... dites-moi, monsieur, est-ce que j'apporte aussi la limonade? Amanda, non! Comment non? Alors ça, c'est la fin de tout. Il sort en grommelant. Le prince regarde Amanda qui beurre les tartines. Vous allez vraiment manger tout ça? Vraiment? Ne me regardez pas comme ça, votre effet est raté d'avance. Ce matin, je n'ai pas honte, j'ai faim. Un petit ogre joyeux et sûr de lui. Sans trace d'une honte. Vous me faites un peu peur. Qui êtes-vous? Rien qu'une jeune fille en robe blanche en train de beurrer une tartine de pain au soleil. Ne vous ai-je pas rencontré l'autre soir dans ce parc, auprès d'un petit obélisque? Si, et je vous ai demandé le chemin de la mer. Il y a 3 jours. Oui? Le lendemain, nous nous sommes retrouvés au château de votre tante et nous avons loué un bateau avec lequel nous avons remonté la Rance jusqu'à Dinard. Hier soir, après ce long après-midi silencieux où nous avons rêvé, couchés l'un près de l'autre au soleil, nous avons passé la nuit au beau Danube. Vous savez, cette boîte de tziganes ridicule qui rebâchait tout le temps le même air faussement viennois. Tra-la, la-la, la-la-la-la. Le prince chantonne doucement avec le tra-la. La musique a repris doucement le thème au loin. Elle s'en amusera un petit peu et le laissera mourir. Et puis, c'est le matin maintenant. Nous déjeunons ensemble à cette petite auberge de Sainte-Anne que vous avez voulu me montrer. On est bien au soleil dans votre petite auberge. Le prince crie soudain angoissé. Mais c'est le dernier jour. Pourquoi le dernier jour? C'est le troisième, tout simplement. Et il ne fait que commencer. Mais ce soir... Ce soir, ben, nous serons ensemble. Où vous voudrez. Et demain matin, nous serons l'un près de l'autre, comme ce matin. Et ce sera le début de notre quatrième jour. Un silence, le prince frissonne. Amanda lui prend le bras. Vous avez froid. Entrons. Le prince, en entrant dans la salle, va droit à la petite table qui est près de la fenêtre. Elle l'attire. Non, celle-là est à l'ombre. Celle-ci plutôt au soleil. Je ne veux pas. Pourquoi? Moi aussi, vous m'avez connu 3 jours. 3 jours semblables. Et vous m'aimez, moi aussi. Je ne vous aime pas. Si? Si vous ne m'aimiez pas, vous ne le crieriez pas si fort. Oh, s'il vous plaît, ne vous débattez plus dans ce rêve où tout vous échappe. C'est le matin, maintenant. Regardez comme le monde est plein de choses sûres autour de nous, de fleurs qu'on peut sentir, d'herbes qu'on peut prendre et froisser dans ses mains. Elle est en face de lui, elle dit soudain dans un souffle, « Posez vos deux mains sur moi, s'il vous plaît. Vous allez voir comme tout va devenir facile d'un coup. J'ai peur. Pourquoi? Elles sont si simples, vos mains. C'est pas elles qui diront « Je ne veux pas oublier, je ne veux pas que ce souvenir s'efface. » Les mains aiment et puis un matin, elles se réveillent étrangères. Ce sont plus que des mains à dire bonjour et à caresser distraitement les cheveux. Voilà tout. Et c'est bien ainsi. Posez vos deux mains sur moi, s'il vous plaît. Si je vous touche, Amanda, je sens que je vous aimerai. Mais je ne veux pas vous toucher. Elle a un petit rire frais et tendre. Vous ne me faites plus peur du tout. Hier encore, vous étiez une sorte de monsieur pour moi. Maintenant, vous êtes comme un petit poisson qui veut remonter le courant contre tous les autres, contre toute la force de la rivière. Léocadia, oui, mon amour, posez vos deux mains sur mes hanches. Un silence. Le prince met soudain ses mains autour d'elle et ne bouge plus. Elle a fermé les yeux. Elle murmure. Vous ne dites rien. C'est moi qui ai peur, maintenant. Le prince d'une étrange voix rauque. Comme c'est simple. C'est vrai. Comme c'est facile. Comme c'est sûr. Il l'embrasse soudain. Le mur de la petite auberge se referme sur eux. Entre la duchesse et Hector, les fusils bas. Derrière eux, le garde qui porte cérémonieusement un carnier où se devine une forme. La duchesse. C'est vous! Je vous dis que c'est vous, mon tout bon. Hector, ça ne peut pas être moi. Vous êtes d'une telle maladresse. Je savais bien qu'un jour vous atteindriez un oiseau. Je vous ai vu parfaitement visé. Je le soutiendrai sur un bûcher. Sur un bûcher. Comme si j'allais gâcher mon bois de chauffage pour faire avouer que vous avez tué un héron. Le garde. C'est pas un héron non plus, madame la duchesse. Ni un flamand. Il considère son oiseau. C'est un oiseau extravagant, comme on n'en voit pas souvent dans le pays. Un drôle de volatile. Ça a des plumes trop longues, ça s'accroche partout, des pattes trop hautes, ça ne sait plus où se poser. Avec ça, des aigrettes de toutes les couleurs à se faire remarquer à 500 mètres. Et ce cri, j'ai entendu ce cri cocasse quand madame la duchesse a tiré. C'est bien simple, ça ressemble à aucun autre oiseau connu. Hector, voyez bien que c'est vous qui avez tiré, Germain le dit aussi. Eh bien oui, c'est moi qui ai tiré. Vous êtes content? Vous pouvez rentrer, Germain, et emporter la bête. Qu'est-ce qu'il faut en faire, madame la duchesse? Ça se mange même pas, ce malheureux oiseau. Enterrez-la. Bien, madame la duchesse. Il salue et va partir, la duchesse le rappelle. Germain, madame la duchesse, dans mes rosiers. Le garde salue et sort. Un silence. La duchesse et Hector se sont assis côte à côte sur le banc. Ils rêvent. La duchesse, brusquement. À quoi pensez-vous, Hector? Hector sursaute. C'est drôle. Je pensais à la duchesse, moi aussi. C'est drôle. Pour Léocadia. Elle en avait été réduite à s'étrangler elle-même avec sa belle écharpe. et voilà que nous venons de la tuer une seconde fois dans son souvenir. Il fallait sauver notre petit Albert. Et si ce sont les jeunes Amanda qui sauvent les petits Albert, vive les jeunes Amanda. Mais si inutile, si frivole et si foncièrement injuste qu'elle ait pu sembler, la pauvre chair raffinée, personne ne pourra nous empêcher de la regretter et de lui verser notre petite larme. Hector ému, non, mon ami. La duchesse Letoise sévère, c'est pas à vous que je parlais, c'est à Gaston. Et elle s'en va, suivie d'Hector, ahurie et trottinante, tandis que le rideau tombe sur une petite ritournelle pas trop triste. Je finis en bas. Voilà. Merci.